fait plaisir sur Rihanna. De toute façon, vous savez quoi, j'ai envie d'avoir que du plaisir ce matin. Le nouveau Calvin Harris va arriver là, dans les secondes qui viennent. On va attaquer l'émission avec, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Christina a un chemisier qui se dépatte facilement. On va lui enlever, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Allez. J'en ai rien à foutre. Je peux vous dire aujourd'hui, on est vendredi. Ouais. C'est une journée où j'en ai rien à foutre. Je peux vous prévenir. L'équipe de Bruno dans la radio, on est en pleine forme. On va arriver chez vous là, dans à peine deux minutes. C'est vendredi, c'est le 16 septembre. À tout de suite. Fun Radio. Le son Dance Floor. Et on est même en avance, Maxime Poulamec. C'est magnifique. C'est fou hein, ce qui se passe. Mais t'as un tatouage. Mais oui. Mais tu savais pas. S'il te plaît, Elliot, tire un petit peu le col. C'est marqué de ton t-shirt, quoi? C'est écrit quoi? C'est une date de naissance. C'est une date. Oui, c'est une date. C'est la date de quoi? C'est la première fois que j'ai fait de la radio. Oh, voilà. C'est beau, énorme. Et donc c'est avant-hier, c'est fou ça. Ouais, c'était ça. vous imaginez le risque qu'on vient de prendre s'il a dit c'est la date de oui, la mort. Oui, j'y ai pensé. Le truc qui met mal à l'aise. Allez, on va commencer avec la météo, mon Max. Oui, ce sera encore perturbé aujourd'hui, des nuages et de la pluie sur l'ouest du pays, des Pyrénées à la Normandie, la Bretagne restera à l'écart avec le retour d'un temps sec sur la façade est entre la Méditerranée et l'Alsace, prévoyez des orages et puis entre les deux, quelques éclaircies mais aussi des averses. Dans l'après-midi, on attend 16 à Limoges, seulement 17 à Dunkerque, 19 à Paris, 20 degrés à Toulouse, 21 à Lyon et 25 à Perpignan. 62 interpellations, dont 32 gardes à vue, bilan des violences hier en France lors des manifestations anti-loi travail. 15 policiers et gendarmes ont été blessés, dont un a dû être héliporté en plein Paris. 78 000 personnes ont défilé dans la rue selon les forces de l'ordre. Il sort aujourd'hui l'iPhone 7 et Apple espère un lancement réussi alors que ses ventes de smartphones sont en baisse. Ce nouvel appareil met en avant de meilleures capacités en termes de photos et de vidéos, une résistance à l'eau, une plus forte capacité de sa batterie et la suppression de la prise jack. Son prix 769 € pour la version basique. Écoutez Bruno pour le gagner ce matin sur Fun Radio. Le bon plan du jour, Air France lance une grande opération promotion via sa filiale Hop. 39 € le billet pour un achat avant le 19 septembre et un voyage compris entre les 17 octobre et le 31 mars. Les vols décolleront d'Orly, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille et Toulouse pour des destinations hexagonales et européennes. Et puis en football, le PSG fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 ce soir, début de la 5e journée à 20h45. Quand contre le Paris Saint-Germain, il est 6h pile, vous êtes sur Fun Radio. On retrouve Bruno dans la radio. Courage, c'est vendredi. Arrêtez-moi de générer, arrêtez tout s'il vous plaît. On fait ce qu'on veut, d'accord? Il y a le nouveau Calvin Harris qui vient d'arriver là à 20 secondes. Avant de vous dire bonjour, je balance le nouveau Calvin Harris My Way. Allez, allez, hop, on attaque là-dessus, c'est pas. My way to say, at least I did it my way. La way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. France, et je crois même qu'en Europe, on est les premiers, là. Vous diffusez le nouveau Calvin Harris. J'avais envie d'attaquer l'émission sur un truc. J'avais dit aujourd'hui, c'est n'importe quoi, c'est vendredi. Nouveau Calvin Harris, avant tout le monde, ça s'appelle My Way. Ça fait plaisir. Canon. Je peux le remettre, là. Oh putain, c'est vendredi. Oui. Parce que c'est vendredi, et le vendredi, c'est n'importe quoi. Vous avez choisi Fun Radio pour vous réveiller, vous faites bien la famille. Le son dance floor de Fun Radio, le nouveau Calvin Harris, vous ne l'aviez pas vu venir. Bah. Et puis, vous savez quoi, on va le passer toutes les heures. Histoire de bien marteler le fait qu'il est passé ici avant tout le monde. Martin Garrix, ça arrive dans quelques secondes. Il y aura Sim également. Et dans la demi-heure, EMT. Toute l'équipe de Bruno dans la radio, elle est là, elle est en pleine forme. Il y a d'abord Christina qui est là. Bonjour à tous. Ça va ma chérie? Ouais, au top. Elle arrive en pleine forme ce matin, ça s'est vu. Ouais. Elle sautillait. Je l'entendais arriver dans le couloir, Christina. Et ce n'était pas des pas, c'était un truc genre... Et ça, ça veut dire le bonheur chez Christina. Ah mais attends, on est le combien aujourd'hui? On est le 16 septembre. Ah, c'est ça. C'est... Alors, hier, c'était le 15, c'était son rapport sexuel trimestriel. C'est pour ça qu'elle est heureuse. Comment t'as deviné? Vacher là ce matin, ça va pour Vacher. Bonjour. Il est arrivé à la cool ce matin en disant: tiens, hier soir, j'étais en train de regarder une série. Mariana, pendant une heure, elle a eu un début de contraction. Quoi? T'as flippé? Bah, il dit: oh, je regarde une série. Ce qui paraît que c'est genre des contractions toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Ouais. Le truc. Et donc là, au début, elle a eu les contractions, mais on regardait une série. La série a duré une heure. Ouais. Donc, je me suis dit, on va la regarder à la cool. Donc elle a eu ses contractions pendant une heure. Et quand on a attaqué le deuxième épisode, qui dure une heure aussi, bah là, ça s'est arrêté. Donc c'était donc, cool. Pas de stress, d'accord, ok. Pas de stress. Et en plus, c'était les deux derniers épisodes de la saison. Donc même si c'était un début d'accouchement, on se rallie jusqu'au bout. Parce que ça prend longtemps. C'est quoi comme série? Ça s'appelle Bloodline. C'est sur Netflix. C'est génial. Voilà, sur une histoire de famille où ils se tuent tous. Enfin voilà. Ah, ouais, génial. Ouais. Ça va, mon Elliot? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette chemise? Elle est très belle. C'est une nouvelle chemise. C'est neuf. Oui, c'est neuf, mais j'aime pas trop, moi. Ah si, ça te va bien, Elliot. Et en plus, pour une fois, elle est repassée du coup. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mise. C'était la seule. Bah, c'est un cadeau de ta chérie, je suis sûr. Exactement. Ouais, bah, tu vois, tu devrais lui demander de choisir tous tes vêtements. Mais on dirait du jean moche. Je sais pas comment. Allez, je l'ai mis pour lui faire plaisir. La photo du jour, voilà. Vous allez déjà sur les réseaux sociaux, là, le hashtag Bruno Fun Radio, c'est le hashtag de l'émission. Vous pouvez commencer à tweeter avec et puis avoir nos tweets également. Twitter, Instagram, on est là sur Snapchat, c'est Bruno Fun Radio. Et on est là pour l'auditeur du jour. Auditeur du jour, c'est celui qui, comme chaque matin, devient le taulier de Bruno dans la radio. D'ailleurs, l'émission de ce matin pourrait s'appeler Mathieu dans la radio. Si on avait le temps de réenregistrer le jingle. Mathieu, c'est l'auditeur de jour. Il a 22 ans, il est parisien. Applaudissements pour Mathieu. Ouais, salut Vicky. Salut. Bon, alors Mathieu, t'as la voix du gars qui fait genre « Je vais faire, je suis super en forme » alors que tu te réveilles. Ce qui donne à l'antenne... On dirait... Non, on est là. On dirait le grand-père Simpson, quoi. Bonjour. Mathieu, tu fais quoi dans la vie à Paris? Alors, je suis conducteur de bus, moi. D'accord. Ah, d'accord. Ok, tu es sur quelle ligne à Paris? Sur la RATP, tout ça. Toutes les lignes, quoi. Ah, d'accord. Vous n'avez pas une ligne dévolue quand vous bossez dans les bus à la RATP à Paris? Non. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. On a un peu toutes les lignes, un peu. D'accord, ouais, c'est le côté un peu foufou de ce métier. C'est qu'un jour t'es sur la 39, t'es un peu dans la routine et paf, on te fout sur la 82 et tu repars par d'autres sensations. Bon, Mathieu, ça fait plaisir de t'avoir comme auditeur du jour. Mais t'es parisien d'origine du coup, alors ou pas, Mathieu? Ouais, toujours. Moi, j'ai toujours vécu à Paris. Ouais. Et puis après, aux alentours, dans la région parisienne et tout. D'accord, ok. Oui, non, mais c'est important quand t'es conducteur de bus. Tu vois ce que je veux dire. Bah oui, c'est mieux. T'es arrivé à Paris combien, il y a deux semaines? Non, c'est un peu galère. Bon, Mathieu, auditeur du jour jusqu'à 9h15, t'auras l'accès au standard direct pour réagir à ce que tu veux dans l'émission. Et puis, tu as le droit, surtout, de poser une question à un des membres de l'équipe. C'est la question du jour. Et cette personne à qui tu vas poser la question va être obligée de répondre. Tu as choisi qui? Alors moi, j'ai choisi Christina. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Est-ce que on a lancé ça la semaine dernière? Normalement, le vendredi, c'est la question co, la question coquine. Bah oui, tous les vendredis, on fait ça. Ah, alors, bah Mathieu, fais-nous plaisir. Alors c'est pour moi, du coup, ok. Eh oui. Je t'écoute. Alors Christina, j'aurais voulu savoir, quelle était ta position favorite? Ah! Est-ce que déjà, peut-être une autre question avant, est-ce que tu t'en souviens? Ah, bah bien sûr que je m'en souviens. Et alors, je vais reprendre un terme que j'ai appris cette semaine dans le jeu Toutou perdu, Toutou gagné. Ouais. C'est l'andromaque. Voilà, là je peux le ressortir. D'accord, c'est donc quand la fille est sur le garçon. Ouais. Ouais, je m'en j'aime souviens. Maîtriser la chose. Oh, très bien. La domination, tout ça. Exactement. Voilà. Te chauffe pas. Mathieu, détends-toi, elle a donné le nom d'Indos. Hein. On n'est pas encore sur le cœur, c'est pas 50 nuances degrés. Quoi. Ça reste Christina. Oui, Elliot. Alors, moi, ça aussi, j'aime bien, mais ma meuf, elle a toujours la flemme. Je sais pas vous, genre dès que je lui dis, ouais, tu peux venir au-dessus, elle fait, ça va, je suis déjà venu au-dessus la dernière fois. Mais ouais, mais en même temps, toi, Elliot, ton corps, faut l'escalader. Hein. Si elle a le vertige. C'est vrai que c'est... C'était la position préférée de Loana aussi. Et on a enterré son mec la semaine dernière. Oh, quelle horreur! N'importe quoi! Mathieu! Oui! On t'embrasse, mon pote. Ouais, bah moi aussi, merci beaucoup. À quelle heure tu prends le bus? À quelle heure là ce matin? Là ce matin, ça va, je commence à 13h30. Ah oui, ça va. Oh là là, bah, t'as la cool. T'as le temps de voir venir. Mathieu, on t'embrasse. Et mais alors, du coup, tu sais sur quelle ligne tu vas être aujourd'hui ou pas? Non, même pas, parce qu'en fait c'est au jour le jour et donc du coup. Donc, j'arrive là-bas, il y a écrit directement là-bas. D'accord. C'est quoi la façon dont tu me dépeins la RATP? Ça explique un peu le bordel qu'on peut avoir au quotidien quand même. Allez, le toutou gagné, toutou perdu arrive sur Fun Radio. Vous appelez le 3228. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let do it all in the name of love? Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all Qu'est-ce qui fait du bien, ce petit Martin Garrix, c'est sur Fun Radio, il est 6h15. Je rigole parce que j'ai croisé Anthony Vosovic du JPI là tout à l'heure dans le couloir, qui a une tête improbable depuis deux jours. Mais en fait, je viens de comprendre pourquoi. Christina m'a expliqué que ce week-end, il fait son baptême de camping. Il n'a jamais fait de camping de sa vie. Et donc, pour la première fois, il va en faire ce week-end. Question, tente ou mobilhome? Non, mobilhome. Ah bon, d'accord. Ouais, mobilhome. Et puis, vu le temps, c'est pas plus mal en même temps. Ouais. Mais mais tu te rends compte, il a quand même. Il est quand même pas tout jeune. Faut le dire. Il va être content. Disons qu'il est plus proche du bout du tunnel que du début du tunnel. Il a de l'arthrose. Et il a jamais fait de camping de sa vie. Comment tu peux découvrir le camping si tard? Mais il y a des trucs que tu fais sur le tard. Moi, par exemple, la première fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir 26 ans, je crois. Ah ouais. Bah tu vois, donc je suis sûr. Est-ce que vous, vous avez un truc que vous avez découvert tard? Ça peut être un truc de bouffe, peut-être, tu vois, première fois où t'as mangé un truc un peu bizarre. Et moi, en vrai, la barbe à papa, je devais avoir 19 ans. J'adore ça, mais je l'ai découvert à 19 ans. Petit, j'en ai jamais mangé, ouais. Je suis sûr que c'est le cas de plein de monde. Moi, Elliot, c'est l'amour. Faire l'amour, ça a été à 19 ans et demi, voire 20, ouais. Ouais, et tu l'as quitté à quel âge? 22 après. Non, voilà, ouais, c'était tard, je trouve. Et ben, vous savez quoi, 32-28, tiens, ça peut être le premier sujet de la matinée, là, avant 6h30. Pour l'instant, accueillons Seb, il habite à Valette. Oh bah tiens, on est chez Christina, on est dans le 4x4, il a 22 ans. Ouvrier viticole, applaudissements pour Sébastien. Salut. Ouvrier viticole, hein, Sébastien, c'est bien ça, tu bosses dans les vignes. Oui, c'est ça. Non, parce que comme on m'a écrit sur ma fiche viticole et que ça ne veut, je pense, rien dire... je sais pas, Loosman, Véticole, c'est peut-être un nouveau métier. Ah oui, je bois pas, moi. D'accord, merci. Donc les trucs que tu fais pas, tu fais des fautes. Ouais. Et ben tu vas en faire sur beaucoup de choses, alors j'ai l'impression. Sébastien, oh le rire d'Amélie au standard à côté, en disant, c'est lui qui l'a prise. Sébastien, en arrivant sur Fun Radio, tu viens de gagner un écran LED. C'est une télévision Samsung 32 pouces, d'accord ? Je rajoute le PC portable Asus, c'est la marque. Je rajoute l'enceinte Philips Rose qui va bien, plus le casque Bruno dans la radio. D'accord ? Ces quatre cadeaux, mon poteau, ils sont à toi. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est tenter de les garder. Et pour les garder, il faut répondre correctement aux quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui disparaît. Nous sommes d'accord ? Oui, oui. Et c'est parti. Première question. Le ver solitaire appelé Ténia, il peut mesurer jusqu'à 10 mètres. C'est vrai ou c'est faux ? Je pense que c'est faux. Et non, c'est vrai. Ouais. Bah oui, ça peut faire la longueur des intestins en fait. Voilà. 6 mètres. C'est horrible, c'est un film d'horreur en fait. C'est Godzilla quoi. Le truc qui sort des toilettes, il va manger la ville après. C'est horrible. Mais tu sais qu'il y a des mannequins, c'est horrible. C'est glauque ce que je vais vous dire. Ouais. Il y a des mannequins qui font exprès de le choper pour rester maigre. Parce que tu perds vachement de poids quand tu l'as en fait. On parlait de Loana, lui, il faut lui mettre un anaconda pour que ça marche. C'est que c'est dégueulasse parce que Loana, j'ai dit on ne fait pas de vanne dessus. Oui. Pas toi, Bruno. J'en ai fait une petite tout à l'heure et je la regrette. Et surtout, je suis dans Voici là cette semaine. J'ai fait l'interview là, la double page pour Voici où je dis que je regrette cette vanne sur Loana. Et on vient de refaire une vanne. Mais moi aussi, je la regrette. Voilà. Bon, sauf que Voici, on a rien à branler. Qui vont pas m'interviewer. Bon, Sébastien, c'est la loose. Tu viens d'attaquer en perdant la télévision Samsung LED. Bon, on joue pour le portable, l'enceinte et le casque. Deuxième question. Le premier cas reconnu de dopage dans le cyclisme date de 1896. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Arthur Linton, il est décédé en 1896, trois semaines après le bol d'or, suite à l'absorption de produits dopants. Et à l'époque, le bol d'or, ça concernait les vélos. Sébastien, tu joues toujours ? Pour le PC, l'enceinte et le casque, troisième question. En cas de danger, les autruches se cachent la tête dans la terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça, je pense que c'est vrai. Alors tu sais quoi, c'est une idée reçue. Ouais. Je pensais que c'était vrai aussi. On est tous persuadés depuis petit. Et je pense que les dessins animés ont joué en la défaveur du truc. Elles se cachent pas du tout la tête dans la terre, les autruches, pour se cacher. Donc même l'expression, tout ça, tout est faux quoi. C'est faux, exactement. Tu perds l'ordinateur, on joue pour l'enceinte et le casque. Dernière question. En Islande, il existe un musée national des phallus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais vrai. Et oui. Il nous en avait parlé, Elliot, quand il était parti en week-end en Islande. J'y suis allé, il y a des phallus de baleines et même d'êtres humains. Et ouais, il y en a qu'on léguait au musée, et donc il y en a 3, et il y a encore des cases vides où ils attendent qu'ils meurent et ils vont donner des pénis masculins pour le musée. Oh, je trouve ça classe. Il y en a plein, il y en a des écureuils et tout, c'est magnifique. Est-ce que si Elliot, tu donnes le tien à la science, ils vont le mettre au rayon enfant? C'est ça, bien joué. Bon, Sébastien, tu repars avec l'enceinte, mais également le casque Bruno dans la radio. Merci la famille. On t'envoie ça vite du côté de Valette, d'accord mon pote? Merci la famille. Passez une belle journée, ciao Seb. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez découvert sur le tard? Comme Anto qui va découvrir le camping pour la première fois de sa vie. Il a quel âge Anthony? 43. Ouais. Ah oui. C'est tard, 32 minutes. On fait de la radio ensemble après Sib, ça s'appelle Breath, c'est sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up for your lies. On dit AMT ou AMT pour faire un peu à l'anglaise sur le titre qui arrive, Fonf. Je crois qu'on dit AMT. On dit AMT, très bien. Bah AMT arrive alors. Call your name. Découvert sur Fun Radio. Et puis alors, vous allez pouvoir tous participer au chiffre du jour ce matin. Ce sera tout à l'heure, 6h30. À votre avis, garçon comme fille, quelle particularité physique ont 56% d'entre nous? Et là, c'est multisexe. Vous êtes garçon, vous êtes fille, plus de la moitié des gens ont une particularité, ça tient au physique. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Un petit bouton disgracieux. Oh, c'est beau, bouton disgracieux. C'est pas les doigts de pied collés? Non. C'est les deux derniers. Ah, oui, 56%, t'imagines? Je connais plein de gens qui ont les doigts de pied collés. Ah bon? Non, mais... palmé, on dit, non? Je sais pas. On dans l'équipe, en plus, si on fait un point, tu vois, 56% par exemple des petits boutons disgracieux, non, puisque on sait que 100% des boutons disgracieux de l'équipe sont sur Loseman. Ouais. Au standard. Donc, le pauvre. Non, mais en vrai, c'est pas facile à vivre pour lui. Il a plus de 20 ans, il fait encore de l'acné. Pas cool. Bah, c'est méchant ça aussi. Bah non mais c'est vrai. C'est pas méchant, mais c'est vrai que j'ai vu, en tout cas c'est pas sûr sûr, mais je sais que le C'est pas sorcier prévu sur les volcans va être tourné sur ton front, Aurélien. Ouais, ouais. Donc c'est si t'as Fred et Jamy qui débarquent avec un camion, tu t'étonnes pas, hein, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression, il y a eu une éruption dans la semaine. Ouais, ouais, ouais, là on est entre les deux sourcils, c'est bien. Très bien. C'est bien. Il y a, bien, y a des gens qui attendent devant le studio avec une machine à vendanger parce qu'ils pensent que t'es une grappe de raisin. C'est vrai qu'il est placé à un endroit de son front où hier, il y a quand même un Indien qui est rentré dans le studio en lui faisant namasté, hop, bonjour. J'étais persuadé que c'était un rubis, hein, qu'il avait au milieu du dos. Enfin, non mais ça va. Et Loseman, tu sais, on te reconnaît encore derrière. Ouais, ouais, ouais, pas ouais, bien, ouais. Suivant comment t'es orienté, mais ouais, on te voit quand même. Ouais, ouais, à peu près. C'est marrant ce drapeau qui flotte au sommet. Bon, allez, les amis. On était en train de parler de quoi? On était en train de parler de ces choses que vous avez peut-être faites. Vous avez peut-être fait pour la première fois sur le tard. Parce que donc Anto, c'est mon mec, il va découvrir le camping ce week-end. Le vrai camping, il est jamais allé dans un camping, il a jamais dormi de sa vie dans un mobil-home. Et je crois que ça le fait pas trop flipper. Ce qui le fait flipper, c'est la proximité avec mes parents en fait. Comment ça? Parce que du coup, on est dans le même mobil-home que mes parents. Oh là là. Je crois que c'est plus ça qui le fait flipper. Il y a des trucs, voilà, on découvre sur le tard. Oui. Je sais pas, par exemple, regarde l'auditeur d'énergie, par exemple. Oui. Le nouveau Calvin Harris, il l'a découvert sur le tard. Tu vois, ouais, nous, on l'a passé à 6h01 et mon pote Manu, que j'embrasse fort, bien sûr. 6h09, les amis. On a le nouveau Calvin Harris pour vous. Ça s'appelle My Way. Il vient d'arriver. Écoutez, c'est la première fois que vous l'entendez. Bah non. Ah non, on l'avait passé à 6h01. Voilà. Il y a des choses qu'on peut découvrir sur le tard. Ça d'accord arrive. Bonjour Loïc, il est à Herblay. Oui, bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe, vous allez bien? Ouais, ouais. Mieux que toi Loïc, j'ai l'impression. T'es bourré Loïc, Non, pas du tout. Salut Bruno, je entends un peu là. Arrête. C'est pas drôle. Oh, je te charrie, c'est excuse-moi. C'est pas drôle. Loïc, mon pote, c'est quoi ce que t'as bonjour découvert sur le tard? Ouais, c'était il y a 2 ans, les vacances au ski. Ouais. Et l'année dernière, le camping, parce que je n'avais jamais fait de camping avec ma mère, de camping en mobil-home. Et l'apéro, tu l'as découvert à quand? Non, c'était tôt. L'apéro, c'est bien, voilà. Quand on commence à bloquer sur une voyelle, c'est que des fois, on peut avoir des petits problèmes quand même. Mais je peux comprendre, Loïc, hormis la vanne, moi, le ski, c'est pareil. La première fois que j'ai fait du ski de ma vie, j'avais 20 ans, je crois. Ah ouais? 20 ouais ans, ouais, bon, c'est un peu, enfin, ça fait un peu jeune, quoi. Enfin, jeune, ouais, ça va, bon. Non, mais c'est ça veut dire quand même. Loïc, ouais, on va te laisser. Je voilà te laisse servir la petite sœur. Hein. Mélissa est au téléphone à Bourges. Bonjour Mélissa. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie à Bourges? Ah, qu'est-ce que je fais? Ben, en ce moment, j'ai pas d'emploi. D'accord, donc tu cherches du boulot? Voilà. Enfin, boulot, non, parce qu'en fait, je veux devenir nourrice agréée. D'accord, ben c'est un boulot, nourrice agréée. Hein, oui, c'est ça, oui, mais j'attends mon dossier en fait. Ben, avoir le fait d'être agrégé, c'est compliqué déjà, ouais. Et puis après, c'est du boulot. Hein. Je peux dire que ma mère était nounou, comment te dire, c'était des longues, longues, longues journées. Mélissa, là n'est pas le sujet. Le truc que tu as découvert sur le tard, c'est quoi toi? C'était en 2011, c'était Disneyland Paris. Ah ouais. Ah bah oui. Ouais, mais tu sais, après, Mélissa, toi tu dis Disneyland, moi je parlais, j'ai pris l'avion pour la première fois à 25 ans, mais il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Bah, bien sûr, après ça dépend où t'habites, si pour peu que t'aies des parents qui voyagent pas beaucoup, bah, du coup tu découvres ouais tout ça très tard en et fait. Et puis surtout c'est de l'argent. Tu bah, vois, bien sûr. Un séjour à Disneyland Paris, bah non, tu vois, pour peu que tu viennes en bagnole, en train, que tu payes l'entrée au parc, que t'as 2-3 conneries de resto, de cadeaux pour la famille super et tout. Cher. C'est un week-end ouais qui coûte une blinde, bien sûr. Mélissa, je te fais des bisous, t'as kiffé quand même. Moi je trouve que, tu vois, j'ai découvert aussi pareil Disney, je devais avoir 26 ans. Mais on est d'accord que tu rentres à Disneyland Paris, même à 26 ans, en l'espace de 2 secondes. Direct. Ouais, t'en as 8, ah ouais, on est d'accord, ah ouais, c'est clair. Je te fais des bisous, Mélissa. Bisous, la famille. Belle journée. Il paraît que la seule différence quand tu découvres Disney quand t'es une jeune fille de 26 ans, c'est que quand tu t'assois sur les genoux de Mickey, il bande. Oh, ça va pas. C'est un petit détail. Mais respecte un peu la magie de Disney, quoi. Ça a un côté magique. Non, mais voilà, je me suis dit avant 6h30, on peut, là, dans une minute, on peut plus. Mais mec, tu l'es fait aussi après. presque 6h30 maintenant, ah bon, depuis la rentrée. Non, non, non, c'est pas vrai. Là, je suis en train de me calmer. Là, je suis en train de. Non, non. Et même si ça arrive sur Fun Radio et juste après les infos. Diplo. DJ Snake. Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives Origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives Origine France. Mais dépêchez-vous, ce n'est que jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. Bougez pas, Bruno. Vous restez sur Fun Radio, dans quelques secondes, il y aura donc le chiffre du jour. Voici 56%, c'est le chiffre du jour. 56% garçons comme filles ont une particularité physique, d'après vous, laquelle ? Fun Radio, le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est tout de suite avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue sur Fun. On commence par la météo de ce vendredi. Un temps perturbé aujourd'hui sur la France. À l'est, des orages. À l'ouest, des nuages et de la pluie, sauf sur la Bretagne. Il y aura pas mal de vent le long de la Manche et de l'Atlantique. Enfin, du nord au massif central, le ciel sera incertain avec des nuages, des éclaircies, mais aussi des averses. Il fait 13 à 16 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 17 à Brest, 18 à Bordeaux, 19 à Paris, 20 à Toulouse, 21 pour Lyon et 25 à Perpignan. Des violences lors de la dernière journée de mobilisation contre la loi travail. 62 personnes ont été interpellées hier, dont 32 placées en garde à vue dans toute la France, notamment à Rennes, Nantes et Paris. 15 pompiers et gendarmes ont été blessés, dont 2 grièvement. Les manifs ont rassemblé, selon la police, 78 000 personnes. De meilleures photos et une résistance à l'eau. Apple sort aujourd'hui son iPhone 7, prix de base à 769€. La marque à la pomme conseille de le commander sur Internet en raison des stocks limités en magasin. Autre solution, écoutez Bruno pour gagner l'iPhone 7 ce matin sur Fun Radio. Vous êtes barbu? Eh bien, vous avez de la chance. Selon une étude scientifique dévoilée hier, les femmes préfèrent les hommes à barbe, avec qui d'ailleurs elles envisagent des relations sérieuses si elles sont bien fournies. Une barbe de 3 jours suffira pour une aventure passagère. En football, début ce soir de la 5e journée de Ligue 1 à 20h45. Caen recevra le Paris Saint-Germain. Ben Arfa est une nouvelle fois écarté du groupe par son entraîneur. C'était déjà le cas mardi soir en Ligue des Champions. Le tennis est le début cet après-midi de la demi-finale de Coupe Davis entre la Croatie et la France à Zadar. Tsonga et mon fils blessé, c'est Richard Gasquet qui débutera en simple à 14h contre le jeune Koric. Lucas Pouille enchaînera face à Cilic dans le deuxième match du vendredi. Et puis à Rio, les Jeux Paralympiques, 8 médailles françaises hier, en or 2 avec le tennis notamment. Il est 6h32. Bon réveil sur Fun Radio. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Bienvenue sur la première radio dance floor de France aujourd'hui. Oh putain, c'est vendredi. Oui, les amis, passez en mode week-end. Voilà, Fun Radio, c'est la radio qui vous met en week-end dès le vendredi matin. Et là, vous me dites, oui, mais quand même, je vais travailler. C'est pas complètement le week-end. Bah, tu vas travailler avec le son de Fun Radio. Et du coup... ton prof se transforme en DJ. Ton prof te balance AMT. Tu dis, ah ouais, c'est un kiff. Ton contremaître à l'usine devient barmaid. Et tu l'imagines te faire des mojitos sur Major Lazer. Le mec qui pue dans les transports en commun en face de toi à l'espace de 2 secondes devient une bombasse que t'as envie de pécho sur Koons. Et ben là, les sons que vous venez d'entendre, c'est ce que je vais vous passer dans la demi-heure. Le chiffre du jour arrive, mais oh, juste avant ! Alerte People, puisque vous le savez, ça peut tomber n'importe quand. C'est la nouveauté de cette année. La planète People tourne très très vite. Et donc du coup, dès qu'une info tombe, elle est avant tout le monde sur Fun Radio. Et alors là, j'en ai une très très forte. Ça concerne un joueur de foot. Ça vient tout juste de tomber. Vous voyez qui c'est, Neymar ? Neymar, équipe. Barcelonaise. Il y a Guingamp, je crois, non? Non, au FC Barcelone. Mais bien sûr, Barcelone, mais après, il est équipe du Brésil. Mais oui, c'est un Brésilien, Neymar. C'est le meilleur joueur du monde. Beau look, un peu stylé, ouais. Tout ça, quoi. Il est très beau. Et donc, c'est vrai qu'il avait annoncé il y a quelques semaines qu'il allait se lancer dans la musique. Et ça y est, on a le résultat. Oh merde. C'est un extrait en live de son premier single. Ça s'appelle Yo Necesito. J'ai besoin. Voici ce que ça donne. Para jugar la pelo. Oh là. Comme quoi on peut pas être bon partout, hein. Attends, monsieur. Là, genre, il l'a chanté en live. Il joue au piano, là. Il l'a fait chez lui, à la cool, et il s'est filmé. Ah oui, donc on voit vraiment que c'est lui. Ouais. Alors, si vous parlez pas espagnol, je vous traduis quand même les paroles, hein. Oh, c'est portugais surtout, je pense. Non, c'est ah espagnol, ouais, ah, il chante espagnol. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Pour jouer au football, il me faut du culot, de la joie, du culot et de la joie. Pour jouer au football, il me faut des partenaires, mes partenaires. Voilà, c'est ça les paroles. Et donc la vidéo, je vous la balance sur la page Facebook Bruno dans la radio. Il chante pas très bien. Non. Ah, ça, on va pas se mentir. Bah, tu vois, même lui, ça le fait rire. Et mon rêve, c'est le chiffre du jour. Bien évidemment, Christina, si l'info people le nécessite, vous pourrez réintervenir quand vous le serez à l'antenne. Si l'info people, yo necesito. Bien sûr. Toujours rêvé de parler comme ça, moi, tu sais, comme sur une radio qui diffuserait que des infos. Chiffre du jour de ce matin, c'est 56. 56%, c'est le chiffre du jour. 56% des garçons et des filles ont une particularité physique. Ça veut dire que plus d'un sur deux. C'est-à-dire que c'est la majorité des garçons et des filles ont une particularité physique. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Tiens, il y a Emmanuel, il a 17 ans, il est à Montreuil. Il a appelé le 3228. Bonjour Manu. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Salut. Bonjour. T'es en quelle classe Emmanuel ? Je suis en terminale. Terminale, terminale quoi ? Terminale pro-commerce. Terminale pro-commerce, quel lycée ? Lycée Jean Moulin, Vincennes. D'accord, très bien. D'après toi, 56%, garçons et filles mélangés, ont une particularité physique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, selon moi, je pense que c'est des abdos. 56%. Non, Emmanuel, si 56% des gens avaient le six-pack, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, ça se saurait. Ouais. Tu les as, toi, les abdos ou pas ? Bah oui, à 17 ans, forcément. Ouais, bah oui, en plus, je fais de la natation, donc ouais. Ah ouais, bah oui, oh, t'es gaulé, ouais. Putain, moi, tu sais que les abdos... Ouais. J'ai dû les avoir à une époque. Ça fait 2 ans que je les cherche. Ouais. Et ben c'est compliqué. Hein. J'ai des nouvelles. Ils sont avec ceux d'Eliott et de moi d'ailleurs au Mexique. Apparemment, ils passent du bon temps. Voilà. Mais ils vont jamais revenir. Moi, il est grand temps que je vous révèle quelque chose. Ouais. En fait, voilà, pour pas être impressionné, j'ai beaucoup d'abdos, mais en fait, tous les matins, je mets des prothèses de graisse pour pas que vous soyez impressionné. Oh là, très bonne vanne, ça, dis donc. Voilà. T'es parti là-dessus, tu t'es dit, tiens, ouais. Je vais aller là-dessus. Alors, mais c'est fou quand même. Et tu mets des prothèses de vanne aussi parce que du coup, à choisir, prends celle-ci. Hein. Sur une note, si tu devais donner une note de 0 à 10. Non, je note pas. Toi qui as présenté, on demande qu'à en rire. Qu'est-ce que t'en fais de ce sketch sur les prothèses de graisse ? Comment t'aurais réagi à l'époque, juste pour savoir ? C'est quoi, je crois que je me serais mis en colère. Emmanuel, ce ne sont pas les abdos, mon pote. Je t'embrasse, merci d'avoir appelé. D'après vous, dans l'équipe ? C'est pas les ongles rongés ? À 56% des gens, ouais. Ça pourrait. Qui ronge ses ongles dans l'équipe ? Non. Moi. Ouais, moi aussi. Et les peaux aussi. Vaché, Elliot. Il y a Loosman. Ouais, moi, c'est les peaux aussi. Ouais. C'est chiant parce que du coup, c'est un nid ouvert pour les microbes. Ouais, bah oui, puis c'est moche. Regardez, moi, j'ai des très belles cuticules. Oh. Ah, attention, on va parler manucure, faut parler d'autre chose. Vite. On switch. Karina du JPI, c'est quoi, toi, d'après toi ? Moi, je dirais un troisième téton. Ah, 56% des gens. Bah ouais, mais moi j'ai un troisième téton. Mais où t'as un troisième téton ? Et bah les troisièmes tétons, c'est sous les vrais tétons, c'est un petit bout de peau et qui ressemble à un tout petit téton. Mais là, tu sais que t'es en train de dire un truc, je vais forcément te demander de me le montrer. Mais oui, non, mais faut que je te le montre. Je vais pas le montrer à tout le monde parce que j'ai du poil au ventre. Mais C'était à l'instant. Pour tous les gens qui fantasment sur Karina, c'était la minute glamour. La minute glamour, c'est ça. La minute, c'est quoi ? C'est Karina qui parle de ses seins. Nous voyons tous la poitrine de Karina Siammer. Ouais, qui est généreuse. On est en train de fantasmer. Elle parle de ce troisième téton. On imagine le troisième téton. Et là, elle se dit, hop, il y a des poils au niveau du ventre. Oh là là. C'est vrai. Ça. Libido zéro. Sabrina à Lille. Bonjour Sabrina. Bonjour Bruno. Salut la famille. Coucou. T'as un troisième téton, toi, ou pas, Sabrina ? Ah non, du tout, non. Sabrina, d'après toi, 56% d'entre nous ont une particularité physique. Laquelle ? J'avais pensé aux yeux bleus. Oh non. Oh mais non, c'est impossible. Qui a les yeux bleus dans l'équipe ? Bah moi. Bleu gris? Ouais, non, c'est, ah, ouais, ouais. Bah, c'est pas. Oh, le faux bleu, quoi! C'est, regarde, c'est comme je disais, ben moi, vert bleu! C'est bleu, ah, bah, béton. Toi, hey, ils sont marron bleu! Ouais, ouais. Et moi, les miens, ils sont quoi? Ils seraient un peu plus bleus que ceux de Christina. Bah, ouais. Enfin! Bah, bon, mais j'ai les yeux de mon père, ils sont bleus quand même! Mais elle a vraiment les yeux de son père, elle les a découpés! Il y a 4 ans, elle est allée en tôle pour ça! Sabrina, c'est pas les yeux bleus, ma belle, je suis désolée, je te fais des bisous. Bisous, bisous, salut! Bisous! 56% des garçons et des filles. Et ça a un rapport avec le dentiste. Oh non. 56%, c'est. Ah! Ah, c'est horrible ce son! Regarde, regarde. Ah, j'en ai récupéré un nouveau parce qu'avant j'avais un bruit de roulette. Ah, mais non, mais regarde, celui-ci, non. Il était pas génial. J'en ai récupéré un avec le bruit de la roulette, mais le bruit de la dent qu'il a. Écoute bien, écoute bien. Ah, il est pire que l'autre. C'est horrible. Celui-ci fait mal un peu. Merde. 56% d'entre nous ont une carie pas soignée. Ah, ah, oui. Ah bah ouais. Oui. Mais réaction de Christina, belle analyse. Ah, mais tu sais que Elliot et moi, on doit se faire arracher des dents là dans les prochains jours parce que tous les deux, on a une carie mal soignée qui fait que la dent est pourrie et qu'on doit l'arracher. Moi, je t'explique, c'est même pire. Je me suis fait dévitaliser une dent, du coup, il reste plus que les parois. Et vu que j'ai pas fait poser de je sais pas quoi dessus pour mettre une fausse dent, les parois se sont cassées au fur et à mesure, oh là comme là. Dans des labyrinthes. Vous me dégoûtez tous les deux. Maintenant, faut qu'il fasse mettre une fausse dent avec une vis qui vise dans ma dent. Après le labyrinthe de Pan, le labyrinthe d'Eliott. Oh, ça pue! Mais non, c'est normal. Vous me dégoûtez. Je vous le dis tel que je le pense. J'ai beaucoup de dents creuses. AMT, call your name, c'est tout de suite et c'est sur Fun Radio. We'll stay together always, true love forever will stay. No matter what they say, yeah, we'll live a life the same way. Je rêve d'elle de jour comme de nuit, je vis ma vie sans faire de bruit. Aisance et élégance, yeah, elle perturbe mes sens, yeah. Écoutez Fun Radio en Belgique, en France et dans le monde entier via funradio.fr. On fait de temps en temps ce que l'on appelle un petit around the world et on part retrouver un auditeur de Fun Radio à l'étranger. On va partir très très loin ce matin dans un pays qu'on n'a jamais visité. Je préfère vous prévenir. Ça va arriver dans 4 minutes. Major Lazer, Justin Bieber, Coldwater ou encore Kungs dans le prochain quart d'heure. Un iPhone 7 à vous offrir ce matin. Il sort aujourd'hui, ça tombe bien. Bah, vous allez le gagner avant l'ouverture du magasin. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me.

Bonjour la famille, bon réveil, c'est Fun Radio. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le 16 septembre. Il y a le Vaché Time qui va arriver là, ce sera dans une dizaine de minutes, 7h du matin. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Alors j'ai laissé un petit peu la place à Siri, la voix de l'iPhone. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est l'iPhone 7 qui sort. Ouais, c'est vrai. Donc je lui dis, allez, vas-y, fais-toi plaisir, appelle quelqu'un au hasard. Donc avec la voix de Siri, j'ai appelé la BNP Paribas. Ah. Et le problème de Siri, c'est qu'il comprend pas très très bien ce qu'on lui dit. Même sur l'iPhone 7, il comprend pas bien. Ah, il comprend pas. D'accord. Il comprend pas. Petit extrait. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble l'ouverture de compte ? Vous avez dit, alors, est-ce que vous souhaitez que l'on écoute ensemble des musiques de compte ? Monsieur, je vous demande si vous souhaitez qu'on procède à une ouverture de compte. Écoutons la zik de Cendrillon. Et elle va s'énerver la banquière, même pas ça qu'on se fout de sa gueule. 7h10, on va payer de la facture et puis à 7h du matin, si vous l'avez raté, là, il y a moins d'une heure, on a été les premiers en France à vous le diffuser, le nouveau Calvin Harris. My Way. On va vous le passer toutes les heures aujourd'hui. Première diffusion française sur Fun Radio. Le nouveau Calvin Harris, qui est une bombe. On peut le dire, clairement. Around the World. Vous écoutez Fun Radio en France, vous écoutez Fun Radio en Belgique, puis vous écoutez Fun Radio dans le monde entier. Alors de temps en temps, on a envie de vous mettre un petit peu en avant sur Fun Radio en allant chez vous. Et ce matin, Around the World nous emmène chez Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut, salut la famille. Sébastien, salut. 6h50 ici en France, 6h50 du matin. Quelle heure est-il chez toi ? 13h50. On est sur du gros décalage horaire. On est en Asie. Okay. Est-ce que tu peux nous dire où tu nous écoutes, Sébastien, s'il te plaît ? Actuellement, en fait, vous connaissez la chanson Gangnam Style, donc je vous laisse deviner où c'est. En Corée ! Ah, en Corée du Sud ! Oui, parce qu'en Corée du Nord, il n'aurait pas pu nous parler. Tu m'étonnes. Ah non, je crois que là, il y aurait eu les fusils derrière. Bon, alors, et justement, Sébastien, Corée, alors géographiquement, là, pour ceux qui ne sont pas super calés, est-ce que tu peux nous faire un petit repérage pour les auditeurs de Fun Radio ? Alors, je vais essayer. Hein. C'est à côté du Japon, dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, un peu au-dessus de l'Australie, quand même. Je suis pas très bon en géo non plus. Non, mais c'est bon, on te voit. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu y es depuis combien de temps ? Tu y restes combien de temps et pourquoi, Seb ? Alors, ça fait 2 semaines que j'y suis, j'y reste encore 1 semaine et en fait, ça faisait 3 ans que j'économisais pour y aller et ça y est, c'est un des rêves que j'ai réalisé. D'accord, donc c'était pour un délire de vacances. Mais d'où on se dit, tiens, je vais aller en vacances en Corée du Sud. Et qu'est-ce qu'il y a à voir en Corée du Sud, en fait ? Alors en Corée du Sud, en fait, moi je voulais voir, parce que moi je suis un grand fanat d'histoire et de photos, donc j'adore prendre des photos dans tous les pays où je visite. Chaque année, je fais un pays différent. Et là, en fait, ça faisait 3 ans que je me suis dit, je vais faire un grand voyage en Asie. La Corée du Sud, ça me tentait bien parce que, bon, il y a quand même beaucoup de mes amis qui sont fans de K-pop, donc la musique d'ici. Ouais. Moi, c'était plus le délire histoire, donc je suis allé voir. Et ici, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas, en fait... entre les différentes guerres qu'il y a eu ici, mais aussi les différentes joies qu'ils ont eues avec les autres pays autour de la Chine, le Japon, etc. Mais c'est pas flippant parce que, bon, on sait que la Corée du Sud, donc c'est un pays développé, mais il y a quand même la Corée du Nord qui est juste à côté, ouais. Avec l'autre barré Kim Jong-un qui est à la tête de l'État, qui veut absolument que les États-Unis admettent qu'ils ont la bombe atomique. Enfin, ouais. Alors ici, ils disent qu'il faut dire celui qui ne dit pas son nom. Hein. Ah, c'est Voldemort, donc ils l'appellent en Corée du Sud. Tout le monde a peur de ce gars, mais honnêtement, ça reste un gars qui s'appelle Kim, qui a juste le même prénom que les Kardashians. Non, mais c'est vrai, et c'est pas flippant. Ils doivent vivre dans l'angoisse de se prendre une bombe sur le coin de la gueule tous les deux. Deux jours, non, avec l'autre fou qui est à côté. Et même pas du tout. Ici, en fait, ils vivent leur vie, mais alors à 100 à l'heure. C'est-à-dire, en gros, ils travaillent toute la journée, le soir, ils font la fête toute la soirée. Ils terminent. Alors, ils ont le même problème qu'à Londres, en fait, avec le beach drinking. C'est-à-dire, en gros, ils terminent dans les rues, endormis, complètement, complètement siphonnés. mais ici, en fait, ils sont super accueillants. C'est-à-dire, en gros, dès qu'on est perdu ou quoi que ce soit, ils nous donnent un coup de main. On a envie de découvrir le pays. Ils sont super contents quand on leur dit qu'on vient de Paris. Alors là, ils ouvrent les yeux grand ouverts parce que pour eux, ils voient que les Américains ici. Enfin, ils ont donc, les yeux grand ouverts. Ils ont quand même les yeux un peu bridés, hein, quoi qu'il arrive. Jeune cliché. On m'a dit que on pouvait visiter. Et c'est pas une connerie. La frontière de la Corée du Nord. On pouvait se mettre à la frontière. La DMZ. D'ailleurs, je vais y aller demain. Ça. Ah bon, bah, tu sais quoi, hey, pour nous rassurer, rappelle-nous lundi quand même. Ouais. Sébastien, comment on dit bonjour en coréen ? Annyeonghaseyo à toi. Bah, passe une bonne journée. Merci. Bah, bonne journée du côté de la Corée du Sud. On t'embrasse, Seb. Salut. Ciao, bisous. Ciao. Oh, je trouve ça fort. J'ai envie d'y aller, moi, en Corée. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo à toi. Moi aussi. C'est Fun Radio, Justin Bieber, Major Lazer tout de suite. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Major Lazer, Justin Bieber sur Fun Radio. Novo Calvin Harris, première diffusion française, c'était chez nous. Vous l'avez raté, on vous le remet. Voilà, on est comme ça, vous allez l'écouter toutes les heures aujourd'hui. Mais ouais, sur Fun Radio, ça va arriver dans 5 minutes. Pour l'instant, JP. Il y a eu un petit gémissement bizarre pendant le jingle qui a fait un. C'est Mika. C'est Mika. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, elle a des traces sous les bras, Karina, c'est dégueulasse. Oh bah non, après les poils sur le ventre. Bah, mais ça va, les poils, les auréoles, tout le monde en a. Soyons nature, regardez, voilà. Allez, c'est l'heure du JPI, journal pour une image. Faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, Coupe Davis, c'est dans le Parisien. Aujourd'hui en France, ce matin, Richard Gasquet ouvrira le bal en Croatie. Et selon nos informations, il commencera par un foxtrot. Culture, les journées du patrimoine débutent aujourd'hui en France. Les monuments et hauts lieux de la culture pourront être visités gratuitement. Devancés par la chatte Daffida Turner qui fait ses portes ouvertes depuis 2 jours. En ce moment, aux Jeux Paralympiques, les épreuves de Cécifoot, le football pour les non-voyants, ont débuté. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Plus à gauche, à droite, encore plus. La cage est devant toi. Un peu plus à gauche. Voilà, tu peux tirer. T'es à peine à 1 mètre et le but est vide. Oh non, c'est à côté, dommage. Ah, vous entraînez l'équipe de France de cécifoot, Anthony? Non, j'entraîne Edinson Cavani, l'attaquant du PSG. Mais il n'est pas non-voyant. Ça reste à prouver. Ouais, effectivement, il vaudrait mieux vérifier. Ouais. Et pour finir, si vous aimez la sodomie, achetez l'iPhone 7. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, la vanne, l'iPhone 7, oui. Non. Mais l'iPhone 7, on va vous l'offrir ce matin. iPhone 7 à vous filer ce matin, c'est celui qui vaut 769€. On vous offre le 32Go. On va l'offrir par SMS et je me dis qu'on va peut-être l'offrir avant 8h du matin. Tout à fait, si et tu bah, veux, voilà. Bruno. Et bah, bien sûr que je veux. Calvin Harris, ça arrive sur Fun Radio, c'est le nouveau. Première diffusion française, c'était chez nous. 7h10, je paye de la facture. Vous écoutez la bonne radio, vous êtes sur Fun. Bienvenue. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Partez en croisière avec Fun Radio et Croisière de France du 17 au 24 septembre pour découvrir les plus beaux spots de Méditerranée et faire la fête. Attention, cette année, c'est Bruno et Elliot qui mettront l'ambiance avec les DJ Party Fun Mikosé et Maeva Carter. Et en bonus, on vous rajoute une escale clubbing à Ibiza. Alors, vous partez avec nous? Rendez-vous vite sur croisieredefrance.com pour découvrir vos vacances à partir de 649€ par personne avec forfait boisson inclus. Avec Fun Radio et Croisière de France, liberté, beauté, bonheur. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives origine France. Mais dépêchez-vous, ce n'est que jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. Bougez pas, Bruno. Vous écoutez Fun Radio, c'est vendredi, c'est le 16 septembre. Bon réveil la famille, il y aura la chanson du jour. Ce sera tout à l'heure, 7h30. Une demande de Pax, tiens, on a rarement eu ça. J'adore l'idée. Mais pourquoi ils ne veulent pas faire un mariage? Ils ont pas assez d'argent, Bruno. Ah, exact. Bah oui, c'est vrai. Bah, oui. Bon bah demande de Pax en direct, là, ce sera tout à l'heure, 7h30. Fun Radio. Le son Flo. Le point sur l'actu de ce vendredi 16 septembre, c'est l'info en deux minutes avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, on commence par la météo, un ciel chargé de nuages le plus souvent avec des orages pour l'est du pays, de la pluie à l'ouest, des Pyrénées à la Normandie. La Bretagne restera à l'écart mais le vent soufflera près de la Manche et de l'Atlantique. Les températures sont comprises ce matin entre 13 et 16 degrés. Cet après-midi prévoyez 16 à Aurillac, 19 à Paris, Rochefort et Biarritz, 20 à Toulouse et Lille, 21 pour Lyon, 23 à Aix, 25 à Perpignan. Une violente rixe entre des Corses et des familles d'origine maghrébine. C'était au milieu du mois d'août à Cisco en Corse, sur fond de burkini. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans ferme ont été prononcées cette nuit par le tribunal correctionnel de Bastia à l'encontre des 5 hommes prévenus dans cette affaire. Gaz lacrymogène, cocktail molotov et jet de pierre. Les manifestations anti-loi travail ont dégénéré hier dans plusieurs villes de France comme Paris, Rennes et Nantes. La police a procédé à 62 interpellations dont 32 gardes à vue. 15 policiers et gendarmes ont été blessés. Il y a eu 78 000 manifestants selon les forces de l'ordre. Les fans d'Apple l'attendent avec impatience. L'iPhone 7 sort aujourd'hui à un prix de 769€ pour sa version de base. Il dispose d'une meilleure qualité d'image et est résistant à l'eau. La marque à la pomme conseille de le commander sur Internet face au risque de rupture de stock en magasin. Vous pouvez aussi le gagner ce matin sur Fun Radio en écoutant Bruno dans la radio. Le foot, la reprise de la Ligue 1 ce soir et le début de la 5e journée de championnat, quand contre le Paris Saint-Germain à 20h45, seulement 3 jours après la Ligue des Champions. Atem Ben Arfa est une nouvelle fois écarté du groupe par l'entraîneur parisien. À Rio, la France continue sa collection de médailles aux Jeux Paralympiques. 8 médailles hier, dont 2 en or avec le tennis et l'épée. La France est 17e au classement des nations avec 23 podiums en tout. 7h03, vous avez choisi Fun Radio ce matin. Merci, on retrouve toute l'équipe de Bruno. Bon réveil. Fun Radio. Vendredi, c'est le 16 septembre. C'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 7h03. Bonjour. Ouais les amis, c'est vendredi, c'est un peu moins dur le vendredi. Ça pique parce que c'est la fin de semaine. Je sais dans l'état dans lequel vous vous trouvez pour partir bosser, mais sachez qu'ici sur Fun Radio, on vous met déjà en mode week-end. Et on attaquait ce matin dès 6h, première radio française à vous diffuser ça. Le nouveau Calvin Harris, My Way. Away, away, away. Moi je l'ai déjà en tête. Hein. Away, away, away. Avec moi. My Way. Dans sur le... Ouais. Ça arrive, il y aura également Soprano. Brésil. Ça arrive avant 7h30, 7h30, chanson du jour. On a une demande, non pas en mariage, mais une demande en Pax. On va faire ça ce matin. Demande en Pax, bah oui, parce que Elliot le disait, c'est un peu comme une demande au mariage, mais à moins de sous-sous dans la popoche. Ouais, ça coûte moins cher, ouais. Et surtout que le mec veut se rattraper. Parce que pour faire court, la nana lui a demandé de se paxer, et il a dit non. Il a paniqué, il a dit mais non, enfin, je sais pas quoi. Il a pris peur. Oh, ouais. Putain, donc il a mis un bâche à la meuf. Un truc, ouais, dans le genre. Donc elle s'est vexée, et en fait, il a dit non, il pensait qu'il avait pas d'argent, je sais pas quoi. Enfin bon. Donc du coup, il regrette. Pour petit extrait, tiens, de la chanson du jour, tout à l'heure, 7h30. Si je suis là, Caroline, c'est que je sais bien que j'ai déconné. Bon, il a pris sa voix de lover, je le reconnais. Ouais, ce serait grand qu'elle dise non à son tour. Ouais, ce serait énorme. Après, on refera une chanson pour elle ou pour lui, je sais pas, dans deux semaines. Elliot, parle avec ta voix de lover, mais sans chanter. Salut Bruno, salut Christina, salut. Ah, c'est pas mal. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça va? Non, arrête, c'est angoissant en fait. Pourquoi t'es essoufflé? C'était pour me donner un genre romantique. Laisse tes mains sur la table, c'est gênant. Christina est là ce matin. Bonjour à tous. Et il y a Vacher. Et bonjour à tous. Vacher, voilà, qui attend, qui est rentré dans la dernière phase. T'es rentré dans la phase, il va être papa, Vacher. Voilà, si vous rejoignez Fun Radio, là, vous faites partie des nouveaux auditeurs de Fun Radio. Vacher va être papa, c'est prévu pour le mois d'octobre. Et donc, on est rentré dans le mois où ça va. Voilà. C'est que quand on va être papa, il y a un mois où on sait que l'enfant est, comment dire, viable. À terme. On sait qu'il est à terme et qu'il peut sortir. Ça, je savais pas. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut savoir. Le dernier mois, donc, quand votre terme, moi, c'est le 14 octobre, bah, ça veut dire que du 14 septembre au 14 octobre, t'es tranquille. S'il arrive, il est à terme, tout devrait bien aller. Et alors, c'est vrai qu'une femme enceinte a des délires, et nous parlait tout à l'heure en antenne de Mariana, qui a donc un délire assez chelou. Est-ce que c'est un délire en rapport avec ses origines brésiliennes ou pas? Non, pas du tout. Non. C'est un délire avec le fait que j'ai acheté un nouveau produit vaisselle qui est plus écologique, machin, qui pollue moins, mais c'est vrai qu'il a une odeur sympa. Est-ce que c'est Renette, celui avec la grenouille dessus, qui sent un peu le thym? C'est possible, c'est basilic. Ce soit... ouais, je l'aime bien celui-ci. C'est avec ça que je lave ma vaisselle. Elle aime tellement ça. On en a rien à foutre, vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça. On dirait une mauvaise vaisselle avec du Renette. Je lave mes verres avec Renette. Et vous? Et en fait, le truc, c'est qu'elle aime tellement l'odeur, elle, qu'elle a envie de manger les éponges. Mais genre, elle m'a dit, écoute, c'est bizarre, je sais. Mais il faut que tu me retiennes parce que j'ai vraiment envie de bouffer l'éponge. Mais non, ça, il y a des trucs. Non, honnêtement, il y a des trucs à cause de l'odeur qu'on a envie de bouffer et qu'on peut pas manger parce que ça se mange pas. Mais moi, par exemple, je sais que quand j'étais petit, la colle, c'était Cléopâtre, le nom à l'école maternelle pour coller les étiquettes. Moi, j'aurais bouffé la colle. Hein, ouais, honnêtement, vrai, j'adore l'odeur. Mais moi, je l'avais déjà dit, mais ça me faisait ça avec l'essence. Tout le monde aime bien l'odeur de l'essence, mais vraiment, il y a eu un jour, j'étais à deux doigts de le boire. Et j'étais allé dans le garage, je me souviens, chez mon père, je me suis dit, vas-y, j'en bois un peu, ça risque rien. Et j'avais mis mon nez dans le bidon, il avait un gros bidon, et ça m'est tellement monté à la tête, ça m'a brûlé, que depuis ce jour-là, j'ai dit, non, le fais pas. Non. Faut pas le faire chez vous. Non, moi, c'est les manteaux en cuir, surtout quand ils sont neufs. Ah ouais, c'est l'odeur du cuir neuf, je pourrais le bouffer Tu pourrais bouffer Florent Pagny, par exemple. Elliot. Moi, ça me l'a fait que dans mon premier appartement, c'était l'odeur du local poubelle. Oh là là, c'était bizarre, genre il y avait une... Bah, me regardez pas comme ça. Bah c'est bizarre quand même. Non, ça faisait une odeur, genre je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont comme moi, ça faisait pas une odeur mauvaise. Genre tu rentrais dedans et... Un peu comme une odeur de cave. Moi je sais pas. Il y a des gens qui se disent mais il fait ça pour faire de la vanne, je vous jure. Non. Vous savez quoi, 32-28. Est-ce qu'il y a un truc, voilà, que vous kiffez, ça se mange pas mais vous pourriez quand même? Vous vous êtes posé la question de dire putain, si on pouvait le manger, je le mangerais. Je peux comprendre. 32-28, on fait de la radio ensemble. Bruno. Time. It's showtime. It's time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Et aujourd'hui, c'est même la victime de Siri. Siri, c'est le logiciel à reconnaissance vocale de l'iPhone. L'iPhone 7 sort aujourd'hui. C'est Siri qui va appeler une banque. Il va appeler la BNP pour ouvrir un compte. Et le problème de Siri, c'est que comme quand on lui demande des trucs, nous, sur l'iPhone, il comprend des fois de travers, quoi. Et donc, ça donne ça. BNP Paribas, à votre écoute. Bonjour, je suis Monsieur Siri. Oui. Je veux savoir comment mettre du flouze chez vous. D'accord. Alors, là, soit on ouvre un compte ensemble sur l'agence en ligne. Vous avez dit, alors soit on ouvre un compte ensemble, soit vous me parlez des vignes. Non, pas du tout, je vous ai pas parlé des vignes. Je vais vous parler du domaine viticole de mon tonton Didier. Tonton Didier traitait sa vigne comme il traitait sa femme. S'occupait d'elle, la choyait tendrement, même s'il lui arrivait parfois de faire pipi dessus. Monsieur, je vous ai parlé d'agence en ligne, je vous ai pas parlé de vignes. Zut. J'ai mal compris. Du coup, vous savez que tonton Didier pratiquait des jeux de pipi avec ma tante. Hashtag le malaise. Non, je vous rassure, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je vous rassure. Reprenons. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble l'ouverture de compte? Vous avez dit, alors, est-ce que vous souhaitez que l'on écoute ensemble des musiques de compte? Monsieur, je vous demande si vous souhaitez qu'on procède à une ouverture de compte. Écoutons la zik de Cendrillon. Chagabadou, la badibadou, je kiffe de ouf. Monsieur, c'est un compte individuel ou un compte joint? Vous avez dit, faut que je vous en raconte une belle, j'ai déjà roulé un joint. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là, je suis choqué de ouf. Monsieur, je vous parle pas de ça, je vous parle pas de ça. Non, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît, parlez pas de ça. Je vous parle pas de ça, monsieur. C'est ça. Fous-toi de ma gueule, Bob Marley Junior. Ah, je vous parle pas du tout de drogue, hein. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Vinaris. La première diffusion en France, c'était sur Fun Radio. C'était tout à l'heure, dès 6h. Ça s'appelle My Way. En Coupe du Monde au Brésil. Ça va arriver là, dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Mais pour l'instant, petit cadeau pour vous. Il est 7h14, allez disons 7h15. Vous avez une demi-heure. Je vais vous laisser jusqu'à 7h45 pour faire un truc assez simple. C'est envoyer un SMS. Pourquoi une demi-heure? Parce que le but, c'est de vous faire gagner le téléphone assez rapidement, pas se faire du blé avec vos SMS. Et puis surtout, c'est vous appeler avant que vous preniez le boulot ou les cours. Avant 8h du matin, à 8h moins le quart, je vais vous appeler si vous avez eu la bonne idée d'envoyer Bruno par SMS. Vous l'envoyez maintenant. Bah vous pouvez, mais si vous le faites dans 20 minutes, vous pouvez aussi. Là, si vous êtes en train de m'écouter, que vous êtes en train de conduire ou sous la douche, vous mettez pas une sale pression, les amis. Hein. Vous l'envoyez dans un quart d'heure, vous aurez autant de chances de gagner que les autres. Bruno par SMS en France, vous l'envoyez au 74 900. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez jouer aussi, sauf que là, vous l'envoyez au 63 22. Vous envoyez maintenant, dans 10 minutes, dans 28 minutes, dans 29 minutes et 30 secondes, vous aurez autant de chances de gagner, puisque au bout de 30 minutes, on va arrêter le jeu et l'ordinateur va choisir un numéro au hasard. Si c'est vous, je vous appelle en direct. Il faut que ça réponde, hein, par contre. Pas de répondeur ce matin. Vous répondez, vous gagnez l'iPhone 7, il sort aujourd'hui, vous l'aurez aujourd'hui, c'est vous. C'est classe. Et non. On vous offre celui à 32 gigas, il vaut 769 €, c'est un beau cadeau. Au pire, vous n'en rien à foutre de l'iPhone. Vous le mettez en vente sur le bon coin ce soir et puis vous faites du blé avec. Moi, je m'en fous. Hein. Franchement, j'irai pas vous fliquer. Prends compte, iPhone 7. Que le temps passe vite. J'ai l'impression que l'iPhone numéro 1, c'était il y a à peine 2 ans. Merci. Oui, tonton Elliot. Qui l'aurait cru? 63-22 depuis la Belgique, 74-900 depuis la France. Vous envoyez Bruno par SMS. Bon courage. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Et si vous voulez que ça tombe sur vous, il faut les envoyer. Soit vous le faites par mail, facture@funradio.fr, ou bien vous déposez votre facture sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, la facture, c'est payé, c'est cadeau, c'est pour moi. On part ce matin à Fontenay. Alors, c'est le Fontenay de... Geneviève. La Manche. Merci. C'est Geneviève de Fontenay. Merci. Ah ouais, c'est... Bon. Que des vannes de merde. Ouais. Allô? Allô? Michel? Oui, allô? Oui. Bonjour, Michel. Bonjour. Michel, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno sur Fun Radio. Eh oui. Bravo, Michel. Oh, top. Michel, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie à Fontenay? J'ai 25 ans, je suis commercial. Commercial dans quoi? Dans le transport. Dans le transport, très bien. Michel, tu m'as envoyé une facture de 568 € et 95 centimes. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond, s'il te plaît? Donc, il s'agit d'une facture pour l'achat de 3 lits bébés, puisque ma femme a accouché de triplé le mois dernier. Oh! Bras! Le tir, c'est gagnant, frère. Attends, c'est vos premiers enfants? Oui, et les derniers? J'imagine. C'est pas trop dur? Ah si, c'est chaud, hein. C'est l'usine. Mec, la vache. Alors moi qui ai la chance d'être papa, hein, déjà un, c'est quand même une galère, ouais. Mais trois en même temps. Waouh, bravo. C'est chaud. Mais du coup, Michel, vous avez fait une FIV ou pas, genre fécondation in vitro? On a été aidé. C'était pas une FIV, mais on a été aidé. Ouais, parce que souvent quand tu fais, moi vous savez, mon fils, je l'ai eu grâce à ça, grâce à une FIV, et on te prévient qu'il est possible que du coup t'es des jumeaux ou des triplés, quoi. Ben soit c'est une FIV, soit que c'est que ta femme c'est un chien et c'est une portée, ça s'appelle. Ça c'est classe. Sous le coup d'une vanne, il aurait pu te vexer, ouais. Michel, et je peux le comprendre. Moi, c'est non, je retiens pas. Traite ma femme de chien, je lui casse la gueule. J'aurais dû dire labrador. Ouais. Ça c'est moins. Michel, mais vous l'avez su au bout de combien de temps de grossesse qu'elle en attendait 3? Oh bah assez rapidement, hein. Donc on s'est préparé en fonction. Et vous avez réagi comment? Dis la vérité. Bon, c'est assis. Wow. Oh merde. Alors, et du coup, c'est quoi les trois prénoms? Mathis, Nathan, Mathéo. D'accord, ok. Et vous les confondez pas du coup? Parce qu'au début, ça doit être compliqué en plus. Ouais, c'est pas évident, hein. Mais non, il y en a qui ont une petite tache de rousseur, où on se débrouille comme ça, quoi.

a un coupe du monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, reste 20 minutes pour envoyer Bruno par SMS au 74 900 si vous êtes en France ou bien au 63 22 si vous êtes en Belgique. iPhone 7 à vous offrir, tirage au sort dans 14 minutes maintenant, bon courage. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dancefloor. Quel est le truc qui ne se mange pas mais que vous pourriez manger? Hashtag Bruno Fun Radio. Il y a plein de réponses sur Twitter. Beaucoup de gens qui pourraient bouffer leur gel douche. Ouais, beaucoup de gens aussi qui pourraient bouffer leur enfant comme Nono avec le hashtag Bruno Fun Radio. Et ceci dit, moi je passe mon temps à dire à ma fille, je vais te manger. Oui. T'as envie de lui bouffer les joues, pas la manger vraiment, mais t'as envie quand même. Ouais, sinon, c'est interdit. Ouais, mademoiselle Elena qui dit je boirais bien mon gel douche. Ouais. Et après, du coup, tu chies des bulles. Hein. Amandine, 23 ans, Dijon. Bonjour Amandine. Bonjour Renaud, bonjour la famille. Salut. Coucou. Qu'est-ce que tu pourrais manger qui se mange pas? Alors moi, c'est le dissolvant pour vernis à ongles. Il y en a certains qui ont le goût des l'odeur des madeleines ou de l'amande et voilà. Ah, je suis d'accord avec toi, ça sent hyper bon. Alors ça, je te déconseille, il faut pas faire Amandine, hein, c'est dangereux. Ah non, mais je le fais pas, mais j'ai envie. D'accord, très bien. Et eh ben je t'embrasse. J'ai remarqué un truc tout bête, je sais pas si vous avez vu, quand il y a une petite tête de mort dessinée sur les produits. Oui. En général, c'est que c'est pas très très bon. Il faut pas. Charlotte, 29 ans, elle est à Tours, à Lyon, pardon. C'était qui était de Tours? Ah ben on a personne de Tours. Ben on va te mettre à Lyon alors, Charlotte. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour la famille. C'est pas grave. Charlotte, ma chérie, dis-moi, qu'est-ce que alors, tu mangerais qui se mange pas? La pâtée pour chat. Ah ouais. Ça sent super bon. Ah, mais ça pue, moi, toutes, je trouve. Laquelle? Pas toutes. Laquelle qui sent bon? La royale, tu sais, c'est la gourmet avec les étoiles. Ah oui. Non, elle a raison. Moi, à l'époque où je mangeais de la viande, franchement, il y a des fois, je donnais à manger à mon chat, ça me donnait hyper faim. En fait, ça a goût. Enfin, ça a goût. Bon, ok, j'ai goûté. Mais en fait, c'est meilleur à sentir qu'à manger. Mais c'est pas si mauvais. Et en fait, ça sent la terrine un peu. Et quand t'as très faim, ça sent super tu bon. Te dis, et j'ai goûté sur un bout de pain grillé, tu vois. Et franchement. C'était en fait c'est que ça fait un peu sec mais sinon le goût est pas si mal. Vous pouvez me faire gerber. Charlotte, je t'embrasse. Mais alors non, truc pour chat non mais croquette pour chien Bruno. J'ai goûté une fois ouais. C'est pas qu'est-ce que tu dis? Ouais. C'est pire. C'est pas con. Julien à Mulhouse. Putain mais j'ai du mal avec vos villes. Alors je deviens dyslexique les amis. Je vois il y a écrit Mulhouse, j'ai failli dire Limoges. Ça va Julien? Oui, bonjour la famille. Bonjour mon pote, qu'est-ce que tu pourrais bouffer toi? Alors moi, je peux pas m'empêcher de, quand j'ouvre un livre, de mettre mon nez dedans pour sentir les pages, l'odeur des pages. Ah, c'est vrai que c'est bon. Ouais. Un livre neuf, ouais. Elliot, un livre, c'est un truc... Non, laisse tomber. Attention, un truc... Avec des images. Non, ça sert à rien. On t'embrasse, Julien. Merci, à plus. À plus, mon poteau. C'est Gala, Give Me Your Love, ça arrive sur Fun Radio. Et puis la chanson du jour, une demande non pas en mariage, mais en Pax. Mais ça risque d'être fort. C'est dans 3 minutes sur Fun.

13 769 euros. Et vous pouvez le gagner ce matin en écoutant Bruno sur Fun Radio. En foot, Paris rejoue ce soir en Ligue 1, trois jours après son nul en Ligue des Champions. Le PSG se déplacera à 20h45 sur la pelouse de Caen pour la cinquième journée de championnat. Ben Arfa n'est pas convoqué dans le groupe par son entraîneur. Un mot de tennis pour conclure et la demi-finale de Coupe Davis qui commence cet après-midi entre la Croatie et la France à Zadar. Il est 7h34. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Bruno jusqu'à 9h. Wow ! Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi ? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio ! Bonjour la famille, c'est vendredi, c'est le 16 septembre, on est en train de battre des records de vues là avec la vidéo du jeu des 30 secondes d'hier avec Vachier qui a pété un plomb. Je crois qu'on a passé le cap des 300 000 vues là en 24 heures, c'est un truc de dingue, non, c'est un truc de ouf. Ouais. Vachier, hier on lui a fait une blague. Dans le jeu des 30 secondes, on lui a filé une fausse liste. C'est très drôle. Avec que des mots, mais au-delà de compliqué. Et il y a eu un vrai pétage de plomb en direct. La finalité, c'est quoi ? C'est que ce matin, il va pas, il y a eu égalité. Il y a on repart à zéro on encore. À zéro. Oui. Vous allez pouvoir jouer tout à l'heure. Je vais vous ouvrir des billets d'avion pour partir à Ibiza. Cool ! Dans une heure. Oui, je sais, ça fait plaisir. À Ibiza, pour aller danser sur Cigala, par exemple. Ça arrive là sur Fun Radio aussi, Gala, mais également DJ Snake. Let me love you. Et le dernier, Bob Sinclair, Someone Who Need Me. Tout à l'heure, Vacher nous racontait qu'il avait déjà goûté de la bouffe pour chat. Ouais. Sur la page Facebook Bruno dans la radio, il y a Alexandre qui dit manger de la bouffe de chat, c'est manger des cadavres d'animaux morts depuis des semaines en décomposition. Mmh. Ah bah, c'est pour ça que je suis végétarien. Eh bien, bon petit déjeuner à tous, en tout cas. 7h36. On a comme un petit problème. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. Faites sonner le clairon pour Johan d'Annecy. Salut Johan. Salut la famille, bonjour. 29 ans à Annecy, il veut ce matin faire une chanson pour Caroline, 24 ans, qui habite Annecy également. Vous êtes en couple depuis 8 ans, c'est bien ça ? C'est ça, exactement, oui. Ça veut dire que depuis quand tu l'as rencontrée, elle en avait 16 et toi tu en avais 21. C'est ça. Voilà, exactement. voilà. Eh bien, tu sais que ça n'est pas autorisé. Oui. Voilà, très bien. Non, c'est pour être sûr quand même. Bon. Tu me dis que ça a tout de suite été le coup de foudre, que 8 ans plus tard, elle est tombée enceinte. Elle est enceinte là, c'est ça hein ? Oui, c'est ça, ouais. Enceinte de combien ? De 3 mois. D'accord. Il y a quelques semaines, elle t'a demandé en Pax pour officialiser votre relation, mais également pour débloquer de l'argent. Et alors toi, tu t'y attendais pas, c'est ce que tu m'as écrit, et du coup, t'as été pris de court, du coup, t'as refusé. Ouais, moi, je voulais pas que surtout ça soit que pour une raison d'argent, mais que ce soit plus pour... Pour moi, ça a de l'importance, en fait. Ouais. Donc, Ouais, t'es un garçon qui parle avec le cœur. Ah, tu vois ça comme un engagement amoureux, toi. Oui, oui, oui. D'accord. Mais du coup, elle a réagi comment quand tu lui as dit non ? Parce que demander quelqu'un en Pax, c'est un geste quand même. Oui, c'est sûr. Et du coup, ouais, elle a été un petit peu déçue, je pense. Elle était pas. Après, elle a compris en fait pourquoi j'avais refusé, parce que je me suis quand même pas mal expliqué. Et pourquoi du coup, t'as changé ? Pourquoi t'as changé d'avis ? Mais parce que du coup, je voulais justement le faire d'une façon plus remarquable. D'accord. Plus sympa comme ça. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je le fais. Et je crois que c'est toujours gênant en tant qu'homme quand on te demande. Ah oui. En plus, ouais. Il y a un petit côté, ouais. Il y a un côté, c'est moi le bonhomme. Hey. C'est moi que je t'invite au Buffalo Grill et que par surprise, je te dis, regarde en tempête, il y a une bague, voilà, je te demande un mariage, un Pax. Mais je te fais rêver, gonzesse, parce que c'est le rôle du cum. Après, on va dans ma GTI, on fait 2 tours de périph, on met la musique à fond et on kiffe. C'est ça, la vie. Bon, Johan, pendant que je suis en train de te parler, Caroline est en attente au standard. Tu ne l'as pas pitché, oui. Hein, elle n'est pas au courant, parce que le but, c'est qu'on l'accueille un peu par surprise. On lui fait passer le message. Bonne surprise. Et puis après, c'est à toi de gérer. D'accord, mon pote ? Ça marche, merci. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline, je m'appelle Bruno Guillon. Oui. Et tu es en direct sur Fun Radio. Ok, d'accord. Et si tu es en direct sur Fun Radio ce matin, c'est que j'ai un message à te faire passer de la part de Johan. Oui. C'est une chanson, t'écoutes les paroles, on l'a écrit exprès pour toi, d'accord ? Okay. Et on en parle juste après. Et ben c'est parti. Si je suis là, Caroline, c'est que je sais bien que j'ai déconné. Alors je voudrais me rattraper. Alors crois-moi, il est plus question de flipper, je suis décidé. Plus question de se dégonfler. Mon amour pour toi est si grand, Caro, tu mérites tellement que pour toi ce matin, je fais les choses en grand. Le truc c'est qu'on n'a pas encore les moyens, la pièce montée est encore loin. Le DJ ringard, c'est pas pour demain. Mais vu que je suis pas patient et que je t'aime énormément, j'ai une question, il faut pas me dire non. Caroline ? Oui ? Est-ce que tu as compris le message ? Oui, mais c'est un truc de fou, là. Johan ? Oui ? T'es en derrière, en direct avec Caroline, mon pote. Salut, mon cœur. Oh, purée, mais c'est n'importe quoi. Et non, je suis pas Evian, hein. Mais non, mais je croyais... Je croyais que j'allais passer sur RTL2, là. Je comprends rien. Je sais bien, mon cœur. Oh, purée. Je t'aime fort et voilà, et je t'avais dit que je voulais pas faire ça juste pour de l'argent, mais plus marquer le coup et faire quelque chose de sympa. Et parce que tu sais que pour moi c'est un engagement qui est très fort. Et du coup voilà, donc je voulais te demander, moi, de manière un peu plus sympa, et puis pour prouver que je t'aime de tout mon cœur. Bon, ah bah oui, là, c'est réussi, quoi. Caroline, maintenant, on est en train de tous attendre la réponse. Veux-tu, oui ou non, te paxer avec lui? Oui. Oui, bah oui, bien sûr. Hein. Yeah. Ah, je t'aime fort, mon cœur. No. Moi aussi, je t'aime. Oh, trop d'amour. Ah, c'est beau. Jetez-nous votre bonheur à la gueule. Allez-y, allez, faites ça. On vous embrasse. Soyez heureux, les amis. Merci beaucoup. Oui. Salut, la famille. Merci. Bisous. Oh, j'adore. On gagne vraiment beaucoup d'impôts quand on se paxe. Sur le mariage, en tout cas, c'est pas mal. Je vous conseille. Ouais, ouais. Attends, je vais appeler ma meuf, tu vas voir si elle veut. Mais on m'a dit non, moi. Ah, si, moi, ça m'a aidé. Hein. Vous savez quoi ? J'ai envie qu'on continue à parler d'amour. J'ai envie parce que je trouve ça. Ça fait du bien. Un peu de chaleur humaine, ça fait du bien. Dans quelques secondes, nous aurons Benjamin au téléphone. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Bruno. 28 ans, tu es niçois. Benjamin va partager avec nous un moment love dans moins de 5 minutes. Un moment love, c'est une histoire d'amour, mais complètement bizarre. D'accord. Et on avait lancé ça l'année dernière suite à cette histoire d'amour entre un gars et une nana qui s'étaient retrouvés par hasard. Leur avion avait eu du retard à l'aéroport et dans deux aéroports différents ils se sont retrouvés côte à côte et du coup ils se sont dit bah allez hop on sort ensemble. On a eu dans ce genre de délire une nana qui était gardienne de prison qui est sortie avec le prisonnier, vous savez. Ouais. Et bah là on a un truc complètement barré avec Benjamin. Il va nous en parler sur Fun Radio, ça arrive, et puis DJ Snake. Let me love you. Le vrai c'est ça. Oui c'est vrai. Et le nouveau Calvin Harris. Première diffusion avant toutes les autres radios de France. C'était à 6h, My Way. Ça arrive dans le quart d'heure sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me. The Parakeet. Feder. Sound of Ledger. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma ? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain.

au 63-22. On vous l'offre ce matin. On va faire le tirage au sort maintenant, là. D'accord ? Tirage au sort. Ah, bah, ça y est, tu l'as fait à 45 ? Bah, oui. Ah, bah, très bien. Comme je t'avais demandé. C'est l'heure. Eh bah, très bien. Bah, tu sais quoi ? Il y a un numéro qui est sorti au hasard. On appelle en direct. Ça décroche, l'iPhone 7 part chez lui. Ça décroche pas. J'appelle un autre numéro. Pas de répondeur ce matin. Là, on appelle avant 8h, on avait dit. Hein. Pas de répondeur. Et attention, ça peut rester. Oui, allô ? Oui. Oui, bonjour, comment vous prénommez-vous ? Non. Ah, non, c'est bizarre comme prénom. Ah, c'est sûrement japonais. Non. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Non. J'avais vraiment un copain qui sortait avec une japonaise qui s'appelait E. Je vous jure que c'est vrai. Elle s'appelait E. Donc pour moi, non, ça peut être un prénom aussi. Elle s'appelle E. Bref. Quel est ton prénom ? Ludovic. Ludovic, t'es en direct sur Fun Radio, tu gagnes un iPhone 7. Merci l'équipe. Bon, Ludovic, du coup, bah, vu que t'as été tiré au sort, je ne sais pas qui tu es, d'où tu appelles, tous les délires. Tu fais quoi dans la vie, tout ça ? Je suis infirmier, j'habite sur La Rochelle et je travaille à Saint-Jean-d'Angély. Mais non ! Non ! Et je suis... alors là, tu sais ce qui va se passer ? Les gens vont dire, ok, ce jeu est truqué. Il a fait gagner sa famille. Il fait gagner quelqu'un de chez lui, comme par hasard. On est d'accord, Ludovic, que ni Dave ni Dadan ont... Ouais, arrête de lécher ton téléphone. On est d'accord que personne ne t'a appelé avant, ni rien, ni caisse, on est d'accord ? Non. Eh ben, bah, écoutez, c'est le hasard, mec. Oui. Ça tombe chez moi. Saint-Jean-d'Angély, 6000 habitants. C'est marrant parce que je suis sur son profil Facebook, Ludovic Guillon, donc. Oui. Et apparemment, vos vacances se sont bien passées, tous les deux. Il y a des photos où vous êtes tous les deux ensemble, c'est sympa. Bon, Ludovic, iPhone 7, 32Go, 769€, c'est cadeau, c'est pour Fun Radio, on t'envoie ça aujourd'hui, d'accord ? Eh ben, merci la famille. On t'embrasse. Salut. Ciao, ciao. Bisous. C'est gaulerie, c'est ouf, hein, de tomber sur quelqu'un qui a mis de chez soi. N'en fais pas trop, Bruno. Ouais, t'as raison. Et les gens de la radio d'en face sont déjà en face de l'autre. Voilà. Comme par hasard, ils vont nous faire une descente de flic. J'ai l'impression que c'est truqué. Police. Déjà qu'ils sont vénères qu'on ait passé 10 minutes avant le nouveau Calvin Harris. 9. Ouais, 9 minutes. Ah ouais, 9, attention. Ouais. Ne mentez pas, monsieur Guillon. Voilà, il a dit une minute de plus. Ouais, dis donc, appelez la police. Bon, Benjamin, bonjour. Bonjour, encore. Benjamin, je le disais, tu habites à Nice. Et oui. Tu vis une histoire d'amour. Comment s'appelle ta copine ? Stéphanie. Momo Love, c'est une histoire d'amour un peu originale. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé avec Stéphanie ? Ouais, je vais spoiler un peu le truc en disant que c'est un petit peu à la Pretty Woman parce que je suis pas riche. Ah. Alors, un peu à la Pretty Woman parce que ouais, tu l'as rencontré dans une maison close. C'est ça. En fait, sur un délire avec les copains, on faisait, je passais un diplôme d'état en Allemagne. Je parle pas du tout allemand, hein, à savoir. Et puis, dans le délire, on allait dans une maison close, et puis il y a eu un espèce de feeling qu'il y a eu avec la fille la plus belle du truc. Et moi, comme je suis un peu tête en l'air, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Et donc, je suis retourné le lendemain. Et de fil en aiguille, on s'est revus, on s'est échangé les numéros, et puis là, 6 ans après, elle vit avec moi en France. On a un petit enfant de 3 ans, il est énorme, on est heureux avec lui, c'est une tuerie. Énorme. Et voilà. Que du bonheur. Et tout ça pour 300€ par mois. Exactement. Non, alors de deux choses l'une. Déjà, on rigole, attends. La prostitution n'est pas un délit bien sûr. En Allemagne. Les maisons closes sont autorisées. On va pas te jeter la pierre. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, devrait être aussi le cas en France pour éviter la traite des blanches et tout ça, mais ça ne regarde que moi. Et la deuxième chose, Benjamin, c'est que voilà, vous êtes passé à autre chose. C'est une belle histoire, mais elle est de quelle origine ? Elle est allemande ? Elle est allemande, elle parlait pas français du tout. Ça a été très fusionnel, on va dire, au début, et puis on parlait en anglais, quoi, comme on pouvait, avec notre petit niveau d'anglais. Oh, bah, de toute façon, au début, mais comme on pouvait, on a 2-3 mots fonctionnent. Hein. Oui. Et ben, tu sais quoi ? Ça, c'est un moment love extraordinaire. Ah ouais, là. Ça fait plaisir. Il s'appelle comment, votre petit garçon ? Il s'appelle Liam, c'est une petite tuerie, c'est une pile, il est toujours heureux, même quand il est malade, il est heureux, il est malin, c'est vraiment un bonheur. Et eh ben tu sais, super. Quoi, c'est un bonheur partagé. Merci d'avoir appelé Benjamin, on te fait des bisous mon pote. Et ben moi aussi, je vous en passe tous, vous êtes excellents. C'est toujours un bonheur de vous écouter chaque matin. Et eh ben tu sais quoi, si on est excellent, c'est surtout grâce à des gens comme toi, parce que c'est vous qui faites cette émission. Il y a un numéro, c'est le 3228. Vous arrivez ici et en fait, c'est votre émission. C'est pas trop la nôtre. Moi, mon boulot, c'est quoi? Au pire, lancer des disques. Ben, je le fais pas mal. DJ Snake, tout de suite. C'est sur Fun Radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. J'ai rajouté Naner, regarde. Naner. Naner. Justin Bieber, DJ Snake. Et ça, c'est le titre. Let me love you. Journal pas en images, faux journal de l'émission, c'est la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 d'IJPI. Et pour commencer, télévision. Top ! Je suis un animateur qu'on a viré comme une merde parce que j'étais trop vieux et complètement excité. Je faisais gagner des boîtes de chocolat. Jeff de Bruges à mes candidats fans de chemisettes et de pantalons en velours. Passe au double, chacha, rock acrobatique. Ma danseuse aura besoin d'une cellule psychologique après avoir passé une journée avec moi. Je suis... Julien Lepers dans Danse avec les stars. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. En Autriche, un homme parti à la chasse aux Pokémon est tombé sur une plantation de cannabis. Il aurait réussi à attraper deux Pokémon rares. Pika passe le ouinge et Cannabix. L'iPhone 7 sort aujourd'hui. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait. Je suis déjà en train de faire la queue. On est à peu près 300 déjà. Ah, devant un Apple Store ? Non, devant 7LM. 1000 boules le portable, je vous rappelle. Ah, bah oui, je comprends mieux. Merci Anthony, à dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les émissions de télé et la fille de votre oncle, regardez Cauchemar en cousine. Voilà, c'est la fin du GPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Cauchemar en cousine, je vous le prends. Moi, il me fait rire. Première diffusion en France, c'était tout à l'heure. Calvin Harris à 6h01 sur Fun Radio. On vous a passé My Way. Il passe toutes les heures ce matin.

de Ligue des Champions. Début de la cinquième journée de championnat à 20h45 entre Caen et le PSG. Enfin, c'est demain le grand départ embarqué sur la croisière Fun Radio à Marseille. Vous allez vivre une semaine en Méditerranée en passant par la Corse, Ibiza et Barcelone. Vous rencontrerez vos animateurs et DJ préférés, Bruno, Elliot Micossé et Maeva Carter. Réservation sur croisièredefrance.com et ça va être génial, j'en suis sûr. Et les 8h04, vous êtes sur Fun. Bon réveil avec Bruno. Fun Radio. Vendredi, c'est le 16 septembre. Vous écoutez Fun Radio. Il est 8h04. Bonjour. Bonjour. Oh putain. Oui, les amis, c'est vendredi. Ça veut dire que le week-end arrive. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, vous allez pouvoir vous lâcher. Le vendredi, synonyme de craquage, de teuf. Synonyme du nouveau Calvin Harris qui est sorti ce matin. Harris. Calvin Harris. C'est Calvin Harris. J'adore Calvin Harris. Calvin Harris, première diffusion française. C'était ce matin, dès 6h sur Fun Radio. Ah, c'est super. My way. c'est pas bien de se moquer des petits handicaps. Oui, il y a un feu. Des fois, il y a un feu sur la langue. Et alors, c'est plus un cheveu là, c'est une moumoute. Ah, et vous laissez rien passer, c'est fou. Hein. C'est fou. Il faut être parfait toujours. Oh, excusez-moi, monsieur Guillaume, vous le savez, je suis taquin le vendredi. Kungs qui va arriver à 8h10, je vais payer de la facture, 8h30, jeu des 30 secondes. L'équipe de Bruno dans la radio qui est là, il y a Christina. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Oui, bonjour. Est-ce que vous pensez que je suis un psychopathe? Oui. Ça dépend. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Non, t'es pas un psychopathe. Pourquoi? Pourquoi tu nous poses cette question? Il y a une étude dans le journal ce matin qui révèle que 21% des patrons du privé montrent des signes caractéristiques de la psychopathie. Ah. C'est-à-dire qu'ils sont complètement ouf, en fait. 20%, c'est beaucoup, hein. C'est un patron sur 5. Mais il y en a des boss. Vous avez eu des boss complètement chelous ou pas, vraiment? Bah, t'es mon seul patron, toi. Et alors, honnêtement, parle honnêtement, fais comme si j'étais pas là. Quand tu te balades à poil dans le bureau, bon, c'est sûr que parfois c'est gênant. À part ça, ça va. Christina. Non, moi, j'ai déjà eu un boss chelou une fois. Où ça? Dans cette radio, mais il y a longtemps. Oh. Et en fait, quand tu passais dans le couloir, donc il t'appelait dans son bureau. Ouais. Et il te mettait des huiles essentielles sur la main. Pour te dire que ça allait t'apporter du bon aujourd'hui. C'est un peu chelou quand même. Et bizarrement, après, 9 mois après, tu tombes enceinte. T'as déjà été psychopathe en patron, toi? Non, moi jamais. Honnêtement, je suis tombé que sur des patrons super, mais le plus super des super, c'est toi. Non, je dis pas ça pour être l'HQ. J'ai juste envie de laisser parler mon cœur aujourd'hui. Tu dis ça parce qu'il te paye, Vaché? Ouais. D'accord. Et plutôt pas mal. J'aimerais que ça continue. Je sais pas, tiens, est-ce que vous. On a des anecdotes de boulot. Il y a des patrons qui peuvent être complètement barrés. Moi, j'ai eu des gens comme ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu un patron à une époque dans mes débuts en radio. Quand il arrivait, il fallait pas le regarder dans les yeux. Ah bon? Ouais, parce que ça le stressait. Comme Britney Spears. Exactement. Et du coup, s'il avait un employé qui louchait, il était à l'aise avec c'est ça. Et vous savez quoi? Chaud. 32-28, on fait de la radio ensemble. Si vous avez eu. Ou si vous avez un patron aussi, voilà, on peut changer votre nom. Ah oui, ouais, oui. Ah oui, oui. Tu vois, si t'as peur d'être... On peut trafiquer votre voix, on peut vous faire comme chez Julien Courbet. Hein. Oui, Elliot. Après, si on part du principe qu'on a un patron qui nous offre des magnums de vodka en boîte de nuit à Ibiza, on peut dire que t'es chelou, quoi. En même temps, on a quand même le seul patron de France dans le bon sens, quoi. Ouais. J'avoue. Mais dans le bon sens. Bon, les amis, brioche ou croissant tous les matins, c'est juste après 8h sur Fun Radio. On prend une personnalité et on lui demande de faire des choix qui peuvent être parfois compliqués. La personnalité de ce matin, c'est une copine à moi, c'est Laila Ben Khalifa. Elle co-anime Secret Story avec Christophe Beaugrand. Tout à fait. On fait souvent VTEP, vraiment, tout est permis. Elle est, tu sais que moi, quand je la connaissais pas, je me suis dit, ouais, ok, c'est juste une nana mignonne et elle doit être un peu cruche. Mignonne, mais c'est une bombe atomique. Et en fait, elle est super intelligente. Ah elle n'est pas cruche. Non, elle n'est pas con. D'accord. C'est elle qui fait le brioche ou croissant ce matin, toi, Laila. Brioche ou croissant? Brioche. Homme plus vieux ou du même âge? 10 ans, un peu plus vieux quand même. Pieds nus ou pantoufles? Pantoufles, j'aime pas marcher pieds nus. Lave-vaisselle ou à la main? Bah, lave-vaisselle toute la vie, grâce à Dieu, ils l'ont inventé, oui, lave-vaisselle. Bolognaise ou carbonara? Bolognaise, j'adore. Offrir ou recevoir des cadeaux? J'offre beaucoup de cadeaux, mais recevoir, c'est magique, quoi. On adore recevoir des cadeaux, on peut pas le nier. Homme sportif ou ami du canapé? Ami du canapé, après les sportifs, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans, dans leur tête, plus que le corps, quoi. Pompier ou policier? Pompier, un héros, oui. Pull ou décolleté? Bah, décolleté, je suis toujours en décolleté. Il faut montrer ses atouts en restant classe. Calme ou entreprenante pendant les câlins? Oh, si c'est à mon homme, entreprenante. Ça vous a chauffé, non? Pas du tout, mais sur moi, ça s'est arrêté dès le début quand elle a dit qu'elle portait des chaussons. Ah ouais, ouais, 8h09, les amis, vous écoutez Fun Radio, on était les premiers ce matin dès 6h à vous diffuser le nouveau Calvin Harris. Vous l'avez raté, pas grave, on le rediffuse toutes les heures sur Fun Radio. Why wait to say, at least I did it my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Diffusion en France, c'était ce matin, dès 6h, Calvin Harris, My Way. Tiens, puisqu'on parle de Calvin Harris. Ah, alerte people de Christina, on a oublié le... avant pour avertir les gens. Ah ouais. Alert People, ça peut tomber n'importe quand. La planète People tourne vite, mais Christina l'arrête d'un coup de doigt dans la twittosphère pour vous filer les infos avant tout le monde. Et alors, celle-ci vient de tomber concernant Calvin Harris, justement. C'est une rumeur de ouf, mais si c'est vrai, c'est magnifique. En fait, il aurait une nouvelle chérie, et cette fois-ci, on la connaît très très bien, puisque sa nouvelle chérie, ce serait elle. Jennifer Lopez. C'est la rumeur depuis hier soir. J-Lo et Calvin Harris seraient ensemble. Alors pour l'instant, ils seraient cachés. Ils voudraient surtout pas qu'il y ait de photos qui sortent, mais ils seraient ensemble. Bah, elle est plus vieille que lui, non ? Bah oui, c'est génial. Ouais, bah, et alors, où est le problème ? Il y a combien, Elliot, différence d'âge, toi qui es le plus rapide, là, entre Jennifer Lopez et Calvin Harris ? Mais sans déconner, il y a au moins 15 ans, je suis sûr. Attends, Jennifer Lopez. Elle est née en 69. Très bien. Jennifer Lopez, elle a 47 ans. Ok, voilà. Et donc Calvin Harris, il a quel âge ? Il a à peine 30 ans, elle Calvin est née Harris. En 69, moi je voudrais... Calvin Harris, il a 32 ans. 32 ans, Bruno. Donc ils ont 15 ans... 15 ans, 17 ans, 17 ans. 17 ans, oh, ça non, va 17. On est naze, non, en maths ou c'est moi ? 15 ans, 32, 47. Ah pardon, j'avais compris moins que 32. Mais ils vont bien ensemble, non ? Peu importe l'âge, on s'en fout. Ouais. C'est vrai, ouais, elle a un bon boule, Lopez. Elle a un bon boule. Ah bah, ça rebondit, quoi. Elle a un bon boule. On dirait que tu parles de ta concierge. Elle a un bon boule, Lopez. Et donc, musique. Un bon boule. Elle a un bon boule, Jennifer Lopez. La Lopez et ses meules. Tu les vois, tu fermes bien ta gueule. La Lopez, je l'aime bien. Mieux que ma concierge qui a le même turbin. Elle a des beaux pieds de biche, une sacrée paire de miches. La Lopez, ce soir je la... Non, rien. J'ai pas trouvé la rime, pardon. J'abandonne. Allez, on enchaîne. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Oh, moi, c'est Madame Lopez, c'est pas gentil. 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio, je paie vos factures. Et ça peut tomber sur vous si vous envoyez votre facture par courrier à Fun Radio. C'est ici au 20 rue Bayard, 75 008 Paris, ou bien par mail facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. Direction Lac. C'est dans le 64, on part dans les Pyrénées-Atlantiques, chez Alexia. Allô ? Alexia. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Alexia ? Oui ? Oui ? Quel est le seul animateur radio qui paye des factures ? C'est Bruno dans la radio ! Ouais. Comment ça va, Alexia ? Ça va super. Alexia, tu as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie à Lac ? J'ai 20 ans et je viens d'ouvrir mon institut de beauté. Je suis esthéticienne. Oh. Est-ce que quand on est esthéticienne, on est obligé d'avoir cet accent ? J'ai l'impression que dès qu'on a des esthéticiennes, ça parle comme accent ça. Accent du sud, femme, t'es esthéticienne, homme, t'es gendarme. D'accord. Okay. Bonjour. Non, j'ai pas d'accent, moi. Même pas du tout, Alexia. Alors, comment il s'appelle le salon d'esthétique ? Le salon, il s'appelle l'Instant Douceur. Oh, c'est mignon. L'Instant Douceur. Bonjour, vous appelez l'Instant Douceur. L'Instant Douceur, Alexia, à votre service. Bonjour. Vous voulez faire quoi ? Une épilation du sif ? Qu'est-ce qu'on fait, un élague ? Bon, Alexia, 474 €13. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une facture de produits de beauté pour le lancement de mon entreprise. Ah, tu lances, là, ton salon ? Oui, je l'ai ouvert le 1er septembre. J'étais esthéticienne à domicile avant. Ouais. Et depuis le 1er septembre, j'ai ouvert le salon. Félicitations. Magnifique. Rappelle Merci le nom beaucoup. Du salon. Instant quoi ? L'Instant Douceur. Instant Douceur, ça se trouve où ? À Larouin. À Larouin, d'accord. L'Instant voilà. Douceur à Larouin, ben voilà. Et l'Instant Douceur à Larouin, ils écoutent Fun Radio. Vous pouvez y aller de notre part. Et on fait quoi ? On fait un 10%, un petit 10% sur l'épilation ou comment ça se passe ? Oui, il y a 10% jusqu'à fin septembre pour l'offre de bienvenue. Et ben voilà. Ah, et, et si vous, en plus, vous venez en disant, vous écoutez Bruno dans la radio, c'est 15%. D'accord avec ça ? On peut faire ça en promo, ça lance la boutique, il n'y a pas de raison. Oui. 474 €13, et bien Alexia, c'est cadeau, c'est pour moi. Oh, merci beaucoup, vous êtes géniaux. Je te fais des bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Bonne journée, Alexia. Ciao, ciao. Avec le sif, ça existe vraiment. Bah oui.

Moi, je bosse tous les jours. Et il y a quoi de plus le vendredi? J'aime bien ça. Enfin, Acaria, ce qu'il faut t'appeler, mec, c'est acariâtre, en fait. Oh. Enfin, ajouter deux mots. Allez, c'est Fun Radio. Don't you know, tout de suite, et Kungs. Et puis, ce sujet que nous avons lancé au standard. Est-ce que vous avez un patron un peu psychopathe? On peut en parler. Patron qui peut péter un plomb. Patron qui a déjà pété un plomb. Et comme je le disais, si vous êtes encore employé par cette personne, on peut changer votre nom, on peut le faire sans souci. Le temps d'écouter Kungs sur Fun Radio. I'm gonna rock your back. Take it left though. Gonna rock your back. Don't stay no. I'm gonna rock your back. Take it left though. Gonna rock your back. Don't stay no. Radio 8h25. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Oui, il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. 26% des patrons sont des psychopathes, c'est ce qu'on apprend dans le journal. Non, 21%. 21% c'est beaucoup déjà. Est-ce que vous avez un patron qui est complètement ouf? On en parlait là tout à l'heure avec, avec l'équipe. Alors pas sur le patron actuel. Et de pire, si vous vouliez en parler, de toute façon vous le feriez pas devant moi, je pense. Non. Non, non, non. Non, mais toi, ça va, t'es cool. Ouais, bon, voilà, c'est exactement ce qu'on dirait en face de toi. C'est exactement ça. Et puis après. Marine à Villefranche-sur-Saône, bonjour Marine. Non, c'est Marie. Salut Bruno, salut la famille. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Bah, je peux comprendre qu'en ce moment, en plus, on n'aime pas qu'on nous confonde. Hein. Moi, je m'appellerais Marie, ça me ferait chier qu'on m'appelle Marine. Marie, dis-moi, t'as un patron, ou plutôt un ex-patron, ouais, qui était un peu psycho. Alors ouais, je travaillais en maison de retraite et alors lui il se cachait derrière nos chariots de soins ou derrière les portes pour écouter ce qu'on disait. Oh, mais quelle angoisse. Patron parano quoi. Ouais, c'était un peu spécial, il y a eu du harcèlement en plus psychologique, enfin bon, ça a fini par une plainte quand même, hein, donc ça peut aller dans ce genre de délire, bien sûr. Bah, à un moment, quand t'as un patron qui a l'impression d'être le maître du monde, ouais, ça se finit. Ah, il était complètement fou, ouais. Ça se finit au tribunal, je peux comprendre. Bah écoute Marie, bah, t'as changé de boulot, donc du coup ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Bah ça s'entend à ta voix, je te fais des bisous ma belle. Ouais, bisous à tout le monde. Ciao. Sabrina, 27 ans, stéphanoise, salut Sabrina. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Salut. Bonjour. Salut. Match nul hier Saint-Etienne, de ah mémoire. Bon, non, ils ont fait match nul ou pas? Ah, pas. Alors on me dit que ils m'ont dit que tout le monde s'en fout. Là. Non, on s'en fout pas. Je suis désolé, Saint-Etienne, c'est une super équipe de foot. C'est la Ligue Europa, c'est ça? Ouais. Vérifie, je crois que ouais, Nice a perdu 1-0 et Saint-Etienne a fait un partout, il me semble. Sabrina, dis-moi, est-ce que t'avais un patron un peu psychopathe? Alors moi en fait c'est mon patron actuel. Ah. Et lui, il est vraiment hyper chelou parce qu'il veut absolument que toutes les portes soient fermées. Même pas entrouvertes, c'est fermé. Et si t'as le malheur de la laisser même entrouverte, il va s'énerver, il va devenir tout rouge, il va péter un plomb. Ok. C'est vraiment flippant. C'est chelou, hein. Ma peau. Nous, on a pas trop... Rentre, Claude. Nous, on a pas trop parce qu'on parle... Voilà, il y a le patron de Fun Radio qui est là.

Vous appelez le 32-28 et vous jouez au jeu des 30 secondes. Et puis si vous avez de la chance, si vous misez sur le bon cheval dans l'équipe, vous repartez avec un voyage à Ibiza offert par Vueling. 32-28 et vous êtes belge, vous jouez aussi 02 85 10 000. Fun Radio. Le son Dance Floor. Maxime Poulaouec pour les infos, salut Max. Bonjour Bruno et bonjour à tous, on commence par la météo de ce vendredi. Un temps perturbé aujourd'hui sur la France avec à l'est des orages, à l'ouest des nuages, de la pluie sauf sur la Bretagne. Il y aura pas mal de vent le long de la Manche et de l'Atlantique. Enfin du nord au Massif central, le ciel sera incertain avec des nuages, des éclaircies mais aussi des averses. Il fait 13 à 16 degrés ce matin, dans l'après-midi comptez 17 à Brest, 18 à Bordeaux, 19 à Paris, 20 à Toulouse, 21 à Lyon et 25 à Perpignan. Une violente rixe entre des Corses et des familles d'origine maghrébine. C'était au milieu du mois d'août à Cisco, en Corse, sur fond de burkini. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans ferme ont été à prononcer cette nuit par le tribunal correctionnel de Bastia à l'encontre des 5 hommes prévenus dans cette affaire. Gaz lacrymogène, cocktail Molotov et jet de pierre. Les manifestations anti-loi travail ont dégénéré hier dans plusieurs villes de France comme Paris, Rennes et Nantes. La police a procédé à 62 interpellations, dont 32 gardes à vue, 15 policiers et gendarmes ont été blessés. Il y a eu 78 000 manifestants selon les forces de l'ordre. La voiture, premier mode de déplacement selon un sondage réalisé à l'occasion de la semaine de la mobilité. 35% des Français seraient prêts à passer à l'électrique, soit 7 points de plus en 2 ans. Les automobilistes concernés mettent en avant des arguments financiers mais surtout écologiques. Vous êtes barbu, eh bien vous avez de la chance. Selon une étude scientifique dévoilée hier, les femmes préfèrent les hommes à barbe avec qui d'ailleurs elles envisagent des relations sérieuses si elles sont bien fournies. Une barbe de 3 jours suffira pour une aventure passagère. À Rio, la France continue sa collection de médailles aux Jeux Paralympiques. 6 hier, dont 2 en or avec le tennis et l'épée. La France est 17e au classement des nations avec 23 podiums. En football, c'est la 5e journée de Ligue 1. Ce soir, le PSG se déplacera sur la pelouse de Caen. Coup d'envoi à 20h45. Pour l'heure 8h35, vous êtes sur Fun Radio. Bon réveil avec Bruno. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio! Il a la classe! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Bonjour la famille, on avait Christian hier, on avait fait un fil rouge avec Christian de tournée en Belgique qui nous avait appelé de... La salle de travail. De travail de sa femme, ouais. Oui. Bah, a priori, elle a couché, je pense. Ah, bah normalement, oui. Bah, j'espère. Sinon, la pauvre, elle est en galère. On va l'appeler là dans un quart d'heure pour savoir. Et puis, on a vu aussi hier. Vous savez, j'aime bien, moi, continuer les histoires, les auditeurs. Ici, on dit que c'est la famille, mais on prend des nouvelles d'eux et après, on s'intéresse. C'est pas juste, tu passes à l'antenne et au revoir, on s'en fout. On a une auditrice aussi qui devait faire le casting de l'émission de Nagui. Essaye de me la rappeler pour savoir si ça a marché. Je vais essayer. Et ben voilà, je te remercie. Info, tiens Christina, t'as entendu ça aux infos? Oui, être barbu, ça continue d'être à la mode. Et surtout, il y a les études qui sont avec vous. Donc à vous, homme barbu. Sachez que les femmes envisagent majoritairement d'avoir des relations sérieuses avec les barbes. Et plus elles sont fournies, plus elles veulent des relations sérieuses. Tous avec son rasoir, c'est parti. C'est énorme quand même, non? Ça doit les rassurer, je pense. Est-ce qu'il y a des gens pas barbus dans les... Ah bah, il y a... Oui, il y a Luzman au standard, mais il a jamais eu de poils. J'ai des boutons, je peux pas avoir de la barbe. Quel rapport. Toi, tu sais te vendre à l'antenne. Toi, tu sais quoi, dans un speed dating, à mon avis, tu dois en faire tomber de la gonzesse. Allez, tombe 8h36. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Tiens, bah, il est stéphanois, décidément, deux auditeurs de Saint-Etienne là, qu'on a eu à la suite. Il a 26 ans, il s'appelle Teddy, technicien de qualité. Applaudissements pour Teddy. Oui, Bruno dans la radio. Et est-ce que tu soutiens les Verts, Teddy? Tu suis un peu l'équipe de Saint-Etienne? Oui, donc tu vois, quand t'as entendu, tu t'es dit ça fait plaisir, il suit un peu le football. Un partout hier. Bah, je sais que tu supportes un club en mousse, mais bon. De quoi qu'est-ce que t'as dit? Ah, le club en mousse. Mousse. Mais moi, j'ai du respect pour tous les clubs de foot, vraiment. C'est vrai que je suis fan de l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai bien taquiné, moi. Mais je ne veux faire l'amour avec aucune mère de supporters d'autres équipes. je suis dans le respect. Tu joues ce matin face à Flavie. Elle a 28 ans, elle est toulousaine. Responsable de secteur dans le service à la personne, c'est bien. C'est un applaudissement pour Flavie. Yeah. Bonjour. Ça va ma Flavie? Ben ça va, ça fait plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Et bien tu sais quoi, c'est un plaisir partagé. Teddy, Flavie, Vous connaissez le principe du jeu des 30 secondes. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots partira faire la teuf à Ibiza puisque Vueling vous offre vos billets d'avion aller-retour. D'accord ? Parfait. Hier, il y a eu égalité. Donc, la règle, c'est que quand il y a égalité, on repart à zéro. Pas de champion en titre. Donc, vous allez définir peut-être le nouveau champion ce matin. Il faut que vous choisissiez quelqu'un. Flavie, on va commencer avec toi. Avec qui tu veux jouer ? Alors, moi, j'aimerais bien jouer avec la belle Christina, entre filles. Alors, on a la Christina normale, nous. Ça te va quand même ? Méchant. Ok, Flavie, je vais relever le défi pour toi, ma chérie. Entre filles, nickel. Ça va le faire. Teddy, avec qui tu veux jouer ? Ah ben moi, je veux jouer avec le maître, avec toi, Bruno. Ah ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce duo. Ouais, j'aime pas très bien ce duo. Qui commence ? Tiens, Karina qui est juge, normalement, du jeu des 30 secondes. Honneur aux dames, Christina et Flavie. Christina et Flavie, ok. Allons-y. Flavie, Christina va découvrir la liste des mots au lancement du chronomètre. Tu as 30 secondes pour en identifier le plus possible. Et oh, Vacher. C'est mon coach du jeu des 30 secondes, ouais, Vacher. Souvent, je lui masse les épaules ou quoi. Parce que, en fait, on est assis à côté. Ouais, j'aime bien soutenir Christina. Mais ça veut pas dire que je t'aime pas, Bruno. Je t'ai déjà fait des massages, ce qui ont déjà dérapé d'ailleurs. Flavie, top chrono, c'est parti. Ok, alors une maison, c'est fait de 4 œufs. Un mur. Oui, quand il y a du soleil par terre, tu peux voir ton reflet, c'est de l'ombre. Une... Ouais. L'ombre. Les saletés dans la rue, ça s'en va dans le... Dans les goûts, dans le caniveau. Oui, l'océan Atlantique, il y a des... Quand vagues. Y a oui, alors un rond, ça peut aussi s'appeler... Hein. Un ovale, un cercle. Oui, quand il fait froid le matin sur la route, il y a du... De la gelée, du verglas. Oui, du verglas. Oui, oui, ah, yeah. Yeah. Elle est là, ma pouliche. Bravo frère. C'est-à-dire que... On a fait combien ? 6 points les filles, bravo. Bien, là, bravo. Bon Teddy, faut rien lâcher Teddy. Ouais. Allez Bruno, je te passe toute ma culture. Teddy, il faut y aller du tac au tac, d'accord ? Pas d'hésitation. Ok. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y, je suis chaud. Top chrono, c'est parti. Ah, c'est un fromage des dieux. C'est un des dieux. Caprice. Ouais, très bien. C'est comme de l'emmental. Il y a des trous dedans. C'est du gruyère. Ouais. Un climat où il y a des palmiers, des noix de coco. C'est un climat qui est tropical. Ouais. Une voiture, ça a 4 pour avancer. Mmh. Oui. Un Rio, on se déguise et on fait le carnaval. Ouais. Moi, c'est les chats. Quand j'en vois un, j'éternue. J'ai une achou. Allergie. Oui. Quelque chose. Il y a une copie et il y a une version. La vraie. L'original. Je sais pas, faut réécouter, je pense. Ah, là, faut demander à Karina, je crois que l'original est arrivé avant l'explosion. L'original est arrivé avant l'explosion. Oh, ça veut dire qu'il y a combien ? Il y a 7 points, bravo Bruno, bravo Teddy. T'es le seul. Oh putain ! C'est le meilleur, Bruno, c'est le meilleur ! Oh là là, ça fait plaisir, il fait bon ! Oh Flavie, on était si bien partis. Ah, on était trop près. C'est oufissime. Flavie, on t'embrasse. Teddy, tu pars à Ibiza grâce à Vueling. C'est énorme. Et alors, c'est pour tes prochaines vacances. Tu pars quand tu veux. Hein. Si tu veux partir l'été prochain, tu vois, tu peux. Hein. C'est pas obligé de partir maintenant. Hein. D'accord. D'accord. Putain, c'est génial. Teddy, ça fait plaisir. Je t'embrasse, mon pote. Oh putain, il est beau. La malédiction, quoi. C'est-à-dire que dans ce jeu même, quand je soutiens quelqu'un que je joue pas, cette personne perd. C'est chiant. Comment ça va, Christian ? Christian ? Oui, Bruno. Oui, Christian a salut tourné. Salut tout le monde, salut la famille. Salut. Alors salut. Hier, on faisait un fil rouge avec toi sur ta femme qui est en train d'accoucher, puis après on t'a plus au téléphone, donc on s'est dit qu'il se passait quelque chose. Exactement Bruno, tout le travail s'est déclenché et donc fatalement, le petit est sorti en fait. Fatalement. Non, non. Il s'appelle comment, il est né à quelle heure ? Il est né à 10h41 et il s'appelle Tyraël. Tyraël ? Tyraël, oui exactement. D'accord. T-Y-R-A-E-L. Et son vrai prénom, c'est quoi ? C'est Tyraël. Avec un prénom pareil, il pourra jouer dans Game of Thrones. Et bah, bienvenue à Tyraël, alors. Bienvenue à Tyraël, merci, félicitations merci. À la maman. Elle s'appelle comment, la maman ? Virginie. D'accord, et le papa, il s'appelle comment ? C'est moi, Christian. Et le vrai. Félicitations à vous trois, les amis. Il y a Piano qui arrive dans quelques secondes et Rick Pritz. Vous écoutez Fun Radio, on est en pleine forme, c'est vendredi, à tout de suite. Let's go.

French, French. I said bandou my da. Then she said ça va pété. And I said na boulet. No matter where I go, go, you know I love them all. She said hola como esta. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bandou my da. Then she says I pass it. And I said na boulet. No matter where I go, go, you know I love them all. She said hola como esta. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bandou my da. Then she says ça va c'est. And I said na boulet. No matter where I go, go, you know I love them all. Wake up. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h-9h on Fun Radio. Bon réveil la famille, c'est vendredi, c'est le 16 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez dans quelques secondes. Il y aura le JP, il y a le top 3 d'Eliott qui arrive. Beaucoup de messages également avec le hashtag Bruno Fun Radio, de gens qui commentent le jeu des 30 secondes ce matin. En disant que c'était un gros match, jeu des 30 secondes, 7-6, c'est rare qu'il y ait ce genre de score. C'est vrai, il y a Yaya qui dit big level ce matin au jeu des 30 secondes, bravo à tous. Il y a aussi Calimero qui me dit, Christina tu t'es bien battue, la prochaine fois sera la bonne. J'espère, parce que je vous rappelle que j'ai pas gagné depuis le 1er juin. Sûr. Mais tu sais que ça fait rire la terre entière. Ah ouais? Oui, ta prestation au jeu des 30 secondes. Je suis sûr que même... Même Teddy, qui est fermier dans le Kentucky et qui écoute tous les matins Bruno dans la radio sur sa moissonneuse batteuse, doit se marrer en t'entendant jouer au jeu des 30 secondes. What's so funny, Christina? Ah, Christina, tu es si drôle à chaque fois que tu es choisi au jeu des 30 secondes. Bruno is the best. Mais Bruno est le meilleur et c'est vrai qu'à chaque fois, il enchaîne les bonnes réponses. Christina, show me your pussy now. J'ai juste envie de dire, Christina, concentre-toi. Concentre-toi que je prenne une photo de toi en train de gagner. Just want to take a picture for my kids, you know. Ouais. Je prends une photo pour mes enfants. C'est gênant. C'est très gênant. Ah bon? Moi, je comprends pas l'anglais, donc à chaque fois, je comprends pas ce qu'il dit. Il y a Piano Eric Pritz qui arrive dans quelques secondes et puis Laurie qui est là au téléphone. Bonjour Laurie. Bonjour, salut la famille, salut Bruno. Bonjour. Coucou. Alors, Laurie, tu as fait hier le casting. De n'oubliez pas les paroles, l'émission de mon pote Nagui. Ah. Et donc on t'a vu hier matin, t'étais un peu en stress en disant je sais pas si ça va le faire. Est-ce que ça l'a fait ? Eh bien malheureusement non. Oh, mais... Alors c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense parce que ça se joue en 3 étapes. Et la première étape c'était directement 20 chansons qui te proposaient sur 200 points. Et il fallait remplir tous les petits trous qui t'avaient mis dans la musique. Donc c'était vraiment variété française. Et il fallait avoir au minimum 120, 130 points et j'en ai eu 90, peut-être 100. Donc pas assez malheureusement. Mais ils ont gardé ma candidature et ils m'ont dit que dans 6 mois je pouvais venir le refaire avec plaisir parce que enfin voilà c'est génial, j'ai passé une bonne journée, c'est pas très grave et je suis quand même fière d'avoir passé un premier casting quoi. Ouais, non mais c'est pas grave, bien sûr. Bravo, bravo. Mais c'est bien de voir les coulisses un peu de ces émissions. C'est super cool. Non, et puis même les animateurs qui étaient avec nous étaient super géniaux quoi. Ils avaient la patate et tout, c'était trop cool. Mais cela dit, moi qui regardais souvent Nagui, c'est pas que je regarde plus, mais c'est vrai que le soir à 19h il y avait que ça avant, maintenant il y a Quotidien avec Barthez. Donc je zappe un peu sur Barthez. Mais avant, je regarde Nagui qui est un pote. Et c'est vrai que les gens, des fois, putain, c'est des génies. Alors déjà, ils chantent souvent tous très bien. Oui, bah oui. Et puis surtout, ils sortent des paroles sur des chansons. Tu te dis, mais je savais même pas que la chanson existait. Oui, j'avoue. Grâce, c'est trop ça. Bon, Laurie, si ça n'a pas marché cette fois, ça marchera pour une autre. Peut-être, oui. Et puis même, c'est un plaisir d'y aller, donc tant mieux, quoi. Bon, écoute, c'était où? C'était où le casting sur Paris? Non, du tout, c'était sur Caen, ils se déplacent un peu partout dans la France. Hein. D'accord, ok. Bon, écoute, on te fait des bisous, Laurie. Bisous la famille, bisous Bruno. Belle journée, ciao, ciao. On devrait créer un N'oubliez pas les paroles, mais version yaourt. Vous pensez pas que ce serait un bon concept? Dans quoi il part? Attendez, moi je vais chercher un café. Non mais continue. Non mais c'est une proposition. J'ai peur d'être mal à l'aise. Non mais genre. C'est comme une réunion, genre après l'émission, c'est un truc, faut tous participer. Ouais, c'est pour ça que t'as bien résumé. On le fait après l'émission en général, c'est pour ça. Moi je lance une idée, après, advienne que pourra. Mais tu sais que le principe du yaourt, c'est que tu inventes des paroles. Oui. Donc vu que tu les inventes, tu peux pas les oublier. Ouais. Enfin, c'est à débattre. Hein. Non, il n'y a pas de débat là, je te jure. Ouais. C'est quoi, je clôt le débat et je lance Eric Spritz. We'll be right back. Oh, il fait plaisir, ça faisait longtemps ça. Piano sur Fun Radio. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, police à New York. La police a tiré 18 coups de feu pour maîtriser un homme armé d'un hachoir. Se prendre 18 cartouches avant de tomber, on n'avait pas fait aussi fort depuis Zaya. Cinéma Cannes déroule le tapis rouge aujourd'hui pour le premier festival international du film sur le handicap. En revanche, les marches devraient être remplacées par une rampe. Ce week-end, en France, ce sera les journées du patrimoine. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, les journées du patrimoine permettent aux Français de visiter des lieux inaccessibles, généralement. Tenez, par exemple, là, je suis à l'Élysée. Je le fais visiter à François Hollande. C'est la première fois qu'il entre dans le bureau du président. Mais c'est lui le président, hein ? C'est bien ce que je vous dis. Ok, Anthony, on a compris vos penchants politiques. Et pour finir, si vous aimez les plats mijotés et le son dance floor, mangez un pot-au-fun. Voilà, c'est la fin du JPI. Lundi, nous serons lundi. Alors à lundi. Le pot-au-fun. Oui, donc. C'est cocasse, hein. Ouais. Ça peut être un produit dérivé à faire gagner à l'antenne. Ouais. Pas sûr. Gagne ton pot-au-fun. Brice, c'est Seeb, S-E-E-B, et c'est sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Vous l'avez découvert sur Fun Radio, bah un peu comme le nouveau Calvin Harris, première diffusion française avant toutes les autres radios, c'était à 6h ce matin sur Fun, vous l'avez raté. My Way repasse sur Fun Radio dans le quart d'heure qui arrive, à tout de suite. Party all night.

On l'attendait un petit peu le vendredi, j'ai l'impression que le vendredi on attendait depuis lundi. Bah oui. Et bah ça y est, on est dedans. C'est le moment où on se lâche, attends au bureau. Bah bien sûr. Attention, le vendredi tu peux mettre ce petit top un peu sexy pour venir bosser. Et moi j'adore le vendredi parce que c'est le jour où Corinne emmène des M&M's. Et on les partage, voilà, mais c'est vendredi, ça va, on peut faire un petit excès, oui ou merde. Bien sûr, c'est foufou, regarde. Moi j'ai ramené mon thé de la maison, je l'ai posé sur le bureau, oui. C'est vendredi, j'ai le droit, le patron dit rien. Moi je mets des baskets le vendredi, ça va quoi les chaussures de ville? Les ampoules et tout, non mais c'est toi qui galères le week-end. Et après, mais j'ai bougé mon boule sur le nouveau Calvin Harris. Bien sûr c'est vendredi. Mais tu sais qu'ils l'ont passé en premier sur Fun Radio, à 6h du matin moi. J'aime bien faire ça, j'étais sur mon tuner, je passais sur toutes les radios pour voir qui allait le diffuser en premier, ça a été Fun Radio. Ça va arriver là dans quelques secondes, Jonas Blue, Perfect Stranger ou encore Sound of Legend. Remix des Fels 65, ça arrive, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là, il y a Christina. Bonjour. Il est lâché. Bah oui, bonjour à tous, salut, salut. Il y a Elliot. Laissez-moi tranquille, je vais perdre un œil. Non mais Elliot, non, en fait, depuis, il faut qu'on vous dise, depuis 10 minutes, Elliot a un de ses deux yeux hyper rouge. C'est devenu rouge d'un coup en fait. Qu'est-ce que t'as fait? T'as ouvert un livre? Non mais c'est chelou, non mais il y a un truc qui est rentré dedans forcément, non? Je sais pas, j'ai envie de gratter là. Ah oui, non mais c'est rouge rouge. Peut-être qu'on peut prendre en photo pour mettre sur Facebook et c'est, que c'est les gens disent si tu vas mourir ou pas. Ouais. Je me suis peut-être fait piquer par un moustique. Oui, c'est dans l'œil, ouais. Bien sûr. Ouais. C'est bien connu, ils arrivent, c'est là où ils vont en premier. Hein. Oh. Et puis surtout, et ça veut dire que pour que tu te fasses piquer dans l'œil par un moustique, c'est que t'es très très vif, hein, Elliot. C'est peut-être une mouche qui s'est posée sur un de tes yeux pensant que t'étais une vache. Ouais. Mais il faut laver les yeux, vous lavez les yeux. Ouais, bien sûr, non, mais... c'est quoi, avant de te laver les yeux, lave ce qu'il y a autour, mec. Non, mais il faut que tu mettes du sérum Phi. D'accord. Attention. Alors on sait que c'est vendredi qu'on se lâche un peu, mais ça va, on peut pas tout dire non plus à l'antenne. Tu donnes pas tes tuyaux toi. Les amis, le 30 septembre prochain, il va se passer quelque chose. Quelque chose que vous n'avez jamais vu, quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Fort de ces auditeurs qui nous rejoignent de jour en jour de plus en plus nombreux, l'émission de Bruno dans la radio se doit de vous apporter encore plus. Alors oui, je pourrais faire comme d'autres camarades et vous proposer de vous payer 800 factures, vous proposer de vous payer des factures pendant 8 ans et demi. Eh bien, vous savez quoi? Nous avons trouvé encore mieux. À partir de lundi, je vais fabriquer mon équipe. Une équipe triée sur le volet qui va devoir réaliser en notre compagnie le casse du siècle. Le casse du siècle se déroulera le vendredi 30 septembre à l'entrepôt Cdiscount. C'est à côté de Bordeaux. Qu'est-ce qui va se passer? Avec l'équipe, nous serons en direct de cet entrepôt. C'est le numéro 1 du e-commerce en France. Vous voulez la télé dernier modèle LG, le nouvel iPhone qui sort aujourd'hui, il y est. Eh bien, nous allons choisir des auditeurs dès lundi. Et ce vendredi 30 septembre, ces auditeurs auront chacun une minute pour prendre tout ce qu'ils veulent dans l'entrepôt. 16 télé, 14 iPhones, s'ils peuvent les porter, ils les prennent. Sélection dès lundi sur Fun Radio. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Je leur ai dit quand on a fait l'OP aux gens de Cdiscount, j'ai dit attention, si c'est une OP en bois, genre on fait rentrer le truc, mais on truque un peu le délire pour que le gars puisse prendre qu'une télé, un ordinateur, parce que sinon ça coûte de l'argent, on ne le fait pas. Et donc j'ai dit ok, d'accord, on le fait. C'est moi mon délire, moi c'est ce que je ferais. Après, moi je prends un 16/9, je le pose par terre sur le sol, le carton, et dessus je mets plein de trucs, genre 60 iPhones et des conneries machin, et je pousse dans l'entrée. Le but c'est que t'as une minute. Par contre, c'est que t'as une minute. Si t'es pas sorti avant la minute, t'as plus les trucs. Ah oui, d'accord. Ouais. Il faut tout sortir derrière une ligne, genre un truc comme ça. Il faudra les mettre à un endroit spécial qui sera appelé Drop Zone. La Drop Zone. Wow, non, ça va être un truc de ouf. Ça n'a jamais été fait en radio. On commence la sélection lundi. Ça se jouera dans le jeu des 30 secondes, d'accord. Et le vendredi 30 septembre, vous serez avec nous en direct de cet entrepôt. Ça n'a jamais été fait. D'accord. Après, le délire Mission Impossible, c'est une image, Elliot. Oui, on aurait pu t'imaginer accrocher un câble, descendre sur les trucs. Ça me plaît, ouais. Et puis, ouais, mais on nous a dit que c'était. Ouais, ça pouvait faire mal à la grue, en fait. Les top 3. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Gracias mucho. Ça va quoi, c'est bon. Mais je dois vous avouer quelque chose. Pour cette émission spéciale, on a prévu ce genre d'épreuve et Elliot attaché à un filin, on va le faire. Ah, on va passer un permis spécial aussi pour cette émission. Non, on a prévu parce qu'on va se faire un délire un peu Mission Impossible, Ocean's Eleven, un mélange de tout ça. On va conduire des Fenwick. Exactement. Comment t'as appelé ça? Des Fenwick. Des Fenwick ou non, Fenwick. Fenwick. Fenwick. Bon allez, les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est peut-être 3. Numéro 3. On a parlé d'un sujet dont on maîtrise. Oh là là, mais il faut que j'apprenne à parler français. Non, mais c'est bien ça. On a parlé d'un sujet dont on maîtrise, bien sûr. Vas-y, continue ta phrase. T'emmerde pas. On a parlé d'abdos. On maîtrise beaucoup ce sujet dans l'équipe. Vous avez compris ma phrase. Nous avons parlé d'abdos. C'est ce que je vous rends. Coucou tout le monde. C'est ce que je vais vous rediffuser. Excuse-moi, c'est l'alcool, Bruno. On a pris l'apéro ce matin. Non, d'accord. Bon, allez, on voit l'extrait. Tu veux pas y aller direct aujourd'hui dans ton Fenwick? Tu veux pas? Mais non, partir loin. C'était pour faire une blague. On peut recommencer si tu veux. C'était, vu qu'on n'est pas à l'antenne, c'est cool. On peut recommencer. Allez, on écoute l'extrait. Putain, moi, tu sais que les abdos, j'ai dû les avoir à une époque. Ça fait 2 ans que je les cherche. Ouais. Et ben, c'est compliqué. Hein. J'ai des nouvelles. Ils sont avec ceux d'Eliott et de moi, d'ailleurs, au Mexique. Apparemment, ils passent du bon temps. Voilà. Mais ils vont jamais revenir. Mais moi, il est grand temps que je vous révèle quelque chose. Ouais. En fait, voilà, pour pas être impressionné, j'ai beaucoup d'abdos, mais en fait, tous les matins, je mets des prothèses de graisse pour pas que vous soyez impressionné. Oh là, en fait. Très bonne vanne, ça, dis donc. Voilà. T'es parti là-dessus, tu t'es dit, tiens, je vais aller là-dessus. Alors, mais c'est fou quand même. Et tu mets des prothèses de vanne aussi Parce que du coup, à choisir, prends celle-ci. Hein. Sur une note, si tu devais donner une note de 0 à 10. Non, je note pas. Toi qui as présenté, on demande qu'à en rire. Qu'est-ce que t'en fais de ce sketch sur les prothèses de graisse? Comment t'aurais réagi à l'époque, juste pour savoir? C'est quoi, je crois que je me serais mis en colère. Ça m'a fait du bien d'avoir l'avis d'un professionnel. Je crois que ce matin t'as rien réussi. Bah si, à te faire chier, je crois. C'est fou ça, être dans une constance pareille. C'est vrai, hein, c'est compliqué de rien, de tout louper. Bravo Eliott, bravo. Numéro 2. Je suis assez fier d'ailleurs. Pourquoi vous me regardez tous comme parce ça qu'on attend, c'est ton top 3 mec. Donc à un moment, si tu parles pas, on sait pas ce que t'as choisi. Non mais juste aussi, on t'aime. Voilà, faut quand même le répéter de temps en temps. Ça fait mal à le dire, mais on t'aime beaucoup. Il n'y a pas que moi qui faisait des phrases pas trop françaises ce matin à l'antenne. Il y a eu un auditeur aussi qui était un peu bourré. C'était vers 6h20. Du coup, on va pas dire qu'on s'est foutu de lui, mais on l'a un peu taquiné. Écoutez, Loïc, mon pote, c'est quoi ce que t'as découvert sur le tard? Moi, c'était il y a 2 ans, les vacances au ski. Ouais. Et l'année dernière, le camping, parce que je n'avais jamais fait de camping avec ma mère, de camping en mobilhome. Et l'apéro, tu l'as découvert? Non, c'était ça va, tôt. L'apéro, c'est bien, Quand on commence à bloquer sur une voyelle, c'est que des fois on peut avoir des petits problèmes quand même. Mais je peux comprendre, Loïc, hormis la vanne, moi le ski c'est pareil, la première fois que j'ai fait du ski de ma vie, j'avais 20 ans je crois. Ah ouais? 20 ans, ouais, bon, c'est un peu, enfin ça fait un peu jeune quoi. Enfin, ça va, bon. Non, mais c'est. Ça va, Loïc, ouais. on va te laisser. Je te laisse servir la petite sœur. Hein. Mais c'est mon cousin. 6h20, voilà. Il se réveillait. Il y a 2 options. Soit tu fais de la radio où tu prends des comédiens qui sont des faux auditeurs et qui parlent super bien, qui sont toujours super contents, mais ça sonne faux. Soit tu fais ce qu'on fait le matin et ça sonne vrai et c'est la famille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, t'es pas réveillé, voilà, c'est tout. Numéro 1. Va chez Bruno, vous avez un talent qui est plutôt appréciable pour nos auditeurs. Vous arrivez à improviser avec un mot, c'est vrai. Bon, c'est plutôt réussi, souvent le matin. C'est ce qui s'est passé lors des alertes people de Christina. Ça peut tomber n'importe quand maintenant. Tu nous parlais de ce nouveau couple. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est une rumeur ou si c'est la vérité. Calvin Harris, Jennifer Lopez. J'ai dit le mot boule et Lopez. Ils ont réussi à faire un truc, je vous laisserai écouter. Mais ils vont bien ensemble, non? Peu importe l'âge, on s'en fout. Ouais, c'est vrai, ouais, elle a un bon boule, Lopez. Elle a un bon boule. Ah bah, ça rebondit, quoi. Elle a un bon boule. On dirait que tu parles de ta concierge. Elle a un bon boule, Lopez. Et donc, musique. Un bon boule, un bon boule. Elle a un bon boule, Jennifer Lopez. La Lopez et ses meules. Tu les vois, tu fermes bien ta gueule. La Lopez, je l'aime bien. Mieux que ma concierge qui a le même turban. Elle a des beaux pieds de biche, une sacrée paire de miches, la Lopez. Ce soir, je la... non, rien. J'ai pas trouvé la rime. Bon, allez les amis, on va vous souhaiter un excellent week-end. Christina, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais en Vendée vais fêter les 50 ans de mariage de mon parrain. Très bien. Elie Vacher, tu fais quoi ce week-end? Des cartons, voilà, on va déménager, donc on va faire des cartons si quelqu'un veut filer un coup de main. Très bien. Elliot, okay. Tu fais quoi? Je suis pas là, moi. J'ai rien de prévu. Si quelqu'un veut filer un coup de main pour les cartons, du coup. Et toi, Bruno, tu fais quoi? Ben moi, tu sais, j'attaque les répètes de la pièce de théâtre lundi. Donc ah, ça y est. Je finis l'apprentissage de la pièce. Waouh. J'ai officiellement appris 120 pages en 3 mois et demi. Oh, wow. Bravo. Et là, j'en peux plus. Ça commence à être compliqué. Donc voilà. Bon, les amis, on revient lundi. Châtelain. Gloire au Châtelain. Bonjour les amis, ça va bien? Oui. Ça va, Mika, et toi? Mais ouais, vous êtes beau. Moi, je vais à Bordeaux ce week-end. Ah, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que dans cette, tu vas faire une rephrase sans le mot cheval? Je te jure que je fais une sans phrase sans le mot ami, sans le mot Scrabble, sans tout ça. D'accord, vas-y. Très bien. Alors, t'écoutes. Je peux? Ouais. Bon, eh ben, je vais faire. On va juste en week-end avec ma chérie visiter Bordeaux, tu vois. Ah, c'est cool. Sympa. C'est une belle ville. Bah, demande des conseils à Vacher, du coup, ouais, il connaît bien. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Bordeaux? Sa mère. Dis-moi, mon Vacher. T'as quoi, elle? Elle est belle, elle est belle. Là, franchement, il a... c'est hey, la scène du mec de Breaking Bad. Tu prends le micro, tu le lâches, on arrête là-dessus. Bonjour pour la semaine. Allez, non, bien joué. Non, là, je m'incline. Je m'incline rarement, mais là, je m'incline. Je te tire mon chapeau, même. Voici le nouveau Calvin Harris pour attaquer ce 9h midi. Bisous, la famille. Bon week-end. Bon week-end. Ouais, je me suis vengé. Que des conneries tout le temps. Alors, surtout, tu connais bien ma mère. Elle s'appelle comment, Vacher? Vous pouvez, vous coupez la musique pour ça? Ah, je sais pas. On fait de la radio. C'est pas du tout gênant. Bah, ça s'appelle Yannick, voilà. Ah bah oui. Il habite à Grésillac, à côté de Bordeaux, voilà. Voilà, tu sais, quand t'as dit son prénom, t'as tout dit. Il y a un peu plus de queue que pour l'iPhone 7, mais voilà, si vous êtes pas sûr, pourquoi pas. Stop. Allez, on y va. Calvin Harris, bisous la famille, ciao. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.